Cette semaine au collectif, un tour de table d'actualité. Nicolas se joint officiellement à l'équipe et Mélanie nous parle de son moment passé avec la série d'animation japonaise Strike Witches. Musique! Hey! Épisode 9! Oui! Yes, sir! Hey. Bienvenue au Geek Collectif, la seule émission où je me répète sans cesse. Il me semble que je dis tout le temps sur le même ton. Sont pareils, ça n'a pas de sens. Il est constant. Il va falloir que tu pratiques ça. Constance. Mais c'est bon, la constance. Ouais, c'est sécurisant, la constance. J'aime ça m'entendre dans mes oreilles. C'est cool, hein? Mais on veut-tu une évolution, par contre? Non. On recette. Ouais. C'est... Mesdames et messieurs, cette semaine, on a un collaborateur en moins. Donc, on a Monsieur Eric qui a dû s'absenter. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Julie. C'est Julie, hein? Julie, femme, c'est femme. Femme, ben femme. C'est pour ça. Bonne fête, femme. Femme, fait que je me sens. C'est Julie, c'est ça, mais ça, c'est femme. Femme. Bonne fête, femme. Ouais, parce que t'avais fait l'annonce là, de l'annonce de char là, qui avait un accident, puis là tu disais Julie, puis il a dit ça me rappelle ma femme. Fait qu'on a découvert le nom de la femme d'Éric. Ah, comme c'est vrai. Donc joyeux anniversaire. J'espère que vous avez bien du fun vous autres. On va essayer d'en avoir autant de notre côté. Il est occupé c'est ça. Pour un petit souper romantique et le birthday sex après. Un petit afternoon delight. Ouais. Donc, cette semaine, épisode 9, qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres, ma gang de... Hey, à taper, là! Wow. Je peux pas faire l'actualité tout de suite. Nick! Non. Nick! Ouais, t'as oublié Nick! Bon, c'est qui, lui, à côté de moi? Bonsoir, Nick! Comment allez-vous? Ça va super bien, toi? Faut juste que tu te rapproches un peu plus du micro quand tu parles, mon homme. Ok. Oui. Là, après, ça chaise, faut parler mieux. Je t'entendais même pas. Là, ça va bien. Tu vois que t'as la face dans le spring, dans le screen. Screen, comme ma grand-mère disait. Screen. Dans le screening. Un screen. Mais Nick, c'est un screen. T'es rendu officiellement avec nous, là? Ben oui. Ouais? Ben oui. Je suis officiellement membre du... Du collectif podcast. Good. Tu te sens comment? Je me sens très bien. Pareil comme hier, hein? Ouais. Même comme affaire. Une étape dans ta vie que tu as traversée. Ouais. Tu vas pouvoir dire j'ai fait partie d'un projet de balado-diffuseur. Un rêve accompli. Oui. Ça fait longtemps que tu voulais être balado-diffuseur québécois? Ça fait longtemps, oui. Écoute, André m'avait parlé de ça dès le début. Puis, Écoute. Un rêve enfin exaucé. Ouais. On est rendu. J'attendais le moment. Là. J'attendais 2013, en fait. Ouais. Tu t'es dit, moi, 13, ça m'inspire? C'est ça. J'attendais de voir si ça allait marcher. Je voulais pas faire partie d'un flop. Ah, ok, c'est ça. T'as dit, je vais laisser s'essayer. S'il se plante, ben c'est pas grave. C'est ça. Good. Qu'est-ce qui se passait de bon avec toi cette semaine, mon Nick? Cette semaine, écoute, je suis allé voir un film. Oui. Je suis allé voir Mama. Mama, c'est pas Guillermo de le... Ben lui, il est juste producteur. Le réalisateur, je pourrais même pas dire c'est qui. C'est un autre. Moi aussi, j'ai vu, là, c'est un latino. Ok. Mais ils se tiennent entre eux autres. Puis, ouais, produit par Guillermo del Toro. Son nom, on s'entend qu'il est là, puis t'as fait penser que c'est lui qui l'a fait. Exactement, puis, parce que tout le monde dit, ah ouais, c'est le dernier film. Ben, comme Tarantino. Comme avec Aaron Fist. Ben, ou puis, plein d'autres films que Tarantino présente, souvent, c'est en gros Tarantino. Tu fais, ah, ok, ça doit être bon. Tarantino, il est là, il produit même pas, il fait juste. C'est ça, là. C'est un attrape-nigo. C'était-tu bon, cette histoire-là? Bon, c'était-tu bon? Moi, j'ai trouvé ça correct comme film. C'est sûr que c'est un autre film d'esprit. C'est pas un chef-d'œuvre non c'est plus. Pas un là, mais je l'ai vu aussi. C'est un film d'esprit qu'on sait pas trop ce qui se passe exactement. Puis ils sont dans une maison. Puis en tout cas, c'est du déjà-vu, si on veut. Mais j'ai aimé ça. Il y a comme deux petites filles qui jouent dans le film qui sont. En fait, le film, ça commence. Les deux petites filles qui se font abandonner dans un shack par leur père. Ouais. Puis, ils sont on peut te dire, ouais, c'est ça. Son père disparaît, on sait pas ce qui se passe. C'est ça, on va pas spoiler rien, là. Mais leur père disparaît. Ça me fait dire quand on spoil. C'est ça. Ouais. ça les petites filles se retrouvent toutes seules dans un shack, puis ils sont retrouvées par leur oncle, comme c'est cinq ans plus tard. Wow. Fait qu'il y avait un an puis trois ans. Ouais. Puis quand ils se font retrouver, ils ont comme 6 puis 8, mais... OK, puis ils ont survécu comment à cet âge-là? Ben, c'est ça qui est un peu... Ben, on peut le dire, des cerises. Pense, on mange des cerises, et puis... très croyant, en tout cas. Ben, même moi, j'en dirais peut-être un petit peu plus, juste pour que le monde comprenne, là, mais je veux pas trop péter rien. Ben, mettons, là, que j'ai 13 et 50, c'est ça, 13 et 50, un film à cette heure? Moi, ben, être franc, toi, je suis allé parce que j'ai eu des passes gratis pour y aller. OK. À cause de la job, je pas voir ça au cinéma. Ah non? Non. Moi, je l'ai vu au cinéma. Ben, moi aussi, mais je, okay. je dirais pas aux gens allez voir ça au cinéma. Ouais, c'est ça, exactement. Attends qu'il passe à super écran gratis. C'est un film qui peut être le fun à regarder chez toi, tranquille, dans ton salon. Sur l'ordinateur, cling, cling, cling. Paye pas 13,50 pour aller voir ça. OK. Mais fait que tu le loues, t'attends que ça. Il y a une petite fille qui mange des papillons dans le film. Ah! OK. Okay. C'est la même qui mangeait des cerises aussi. Là, c'est mais... ça. Parce mais les deux, ils mangeaient pas des cerises? Ouais, ouais, mais c'est l'autre que tu vois plus. C'est comme des petites filles sauvages. Des cherry heels. Parce que, ben, moi, je veux juste mentionner un bout, là, pis sans rien dire, le rêve, là. Oui. C'est un bout, là, il y a comme un clash avec le film, parce qu'il est comme un first-person shooter, sauf que au lieu d'avoir un gun, tu vois les mains de la fille qui a comme quoi, une broche à tricoter, genre, ou de quoi, on dirait. Pis un bébé. Pis un bébé au début, bien sûr. Pis c'est comme, tu tiens un bébé pis une broche à tricoter, pas à courir. À... Non, ça c'est un madame, rêve que, qui explique l'historique du fantôme dans le film, là, disons-le. Là. Okay, mais c'est pourquoi j'ai vraiment pas le goût de le voir, votre test de film. Non, mais rien que cette boîte-là, là, il est tellement fait à l'ordi cheesy, là. Comme la passe dans Doom, là. Ouais. Ben c'est comme trop... Non, mais c'est... Le film, il y a comme un côté artistique de la façon dont les plans sont tous pareils dans les couleurs pis tout. Mais cette bout-là, il clash tellement qu'il est fait à l'ordi. Je sais pas comment dire ça, là, mais... C'est comme un cartoon. C'est comme un jeu vidéo carré, là, genre. Rien que le bout du rêve, là, c'est comme tout d'un coup, les mains apparaissent en avant comme un FPS, pis... Mais en même temps, j'ai trouvé le bout hot, parce que je veux pas le compter au complet, là, mais il y a comme de quoi de drôle qui arrive dedans à la fin, pareil. Mais en tout cas, c'était un gros clash dans le film en plein milieu, que tu fais comme « wow, c'est weird ça ». Avant le film, par contre, j'ai vu le trailer du remake de Evil Dead, que j'avais vu sur le net, mais de le voir en salle, ça c'est cool. J'étais comme oh fuck que j'ai hâte de voir ce film là. Ça a vraiment l'air cool. Mais il y a des fêtes de même, tu sais, t'as des films, des trailers, des affaires de même que tu vas voir au cinéma, puis il y a encore un feeling d'être au cinéma, je trouve. Mais j'ai repris goût au cinéma dernièrement. Je vais pas souvent au cinéma à part à Fantasia que j'y vais, mais sinon. Puis je suis allé voir comme 3 films en une semaine. Ça faisait longtemps que j'étais allé voir un film, puis c'est marrant. J'étais allé voir un film très plate, puis un film popé, puis je suis allé voir Django qui est vraiment... Là, je suis curieux, un film très plate. Un film très plate, c'était le remake de Texas Chainsaw Massacre en 3D. Pas bon, non. Non? Vraiment pas. Okay. La 3D était C'était-tu fait pour être juste des shots en 3D? Non, c'est ça, il y a comme pas de shots en 3D. OK, en plus. C'était juste on rajoute la 3D parce genre, que... Genre, il y a comme un effet profondeur c'est cool, un peu, mais c'est comme... C'est-tu moi aussi, mais les films 3D, je me rappelle, le dernier que j'ai vu, moi, c'était Thor. C'était Thor? Quoi? Thor. Thor. Thor. The God of Thunder. C'est le dernier film en 3D que t'as vu? C'est le dernier film en 3D que j'ai vu. Au cinéma, là, tu parles. J'étais curieux de voir les films en 3D parce que c'est sombre. Ouais, c'est moi, c'est tout le temps sombre. Ouais, en vrai, c'est plus sombre. Fait que j'écoute le film, puis ok, c'est cool. J'ai vu Batman en 3D. Je n'ai juste vu un dans toute ma vie, fait que je peux pas te dire si j'ai comparé à d'autres choses, si c'était sombre, puis c'était Jackass. J'ai vu Jackass 3. C'est le seul que j'ai vu en 3D de toute ma vie. Fait que. C'était... La truite, elle devait être écœurante. Il y a bien des bouts qui étaient écœurants. Sérieux, il était bien fait, là, je trouve. Là. J'ai été impressionné, mais tu sais, j'ai jamais vu un film qui était une histoire, là, tu sais, une vraie affaire. Puis, je sais pas. Mais tu sais, Avatar valait la peine, mais mis à part ça. C'est des films tournés en 3D. Ben, c'est ça. C'est ça. Exactement. Il a fait pour le 3D, puis il a tourné, puis on rajoute un fil 3D Nowhere qui est de la merde. Non, c'est ça. Quand tu rajoutes du stock par après. Là. Mm. Ben, merci, Nick. Merci. Ok, c'est à mon tour. Il faut que je parle d'une belle. Oh, ouais, garde-toi. J'ai excité cette semaine. Juste cette semaine? Non, mais aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Oh. J'étais sur Facebook et pour une fois que les pubs servent à quelque chose sur le côté, ils annonçaient une nouvelle émission, King of the Nerds. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Donc, j'étais allée dénouer la première épisode et j'ai été très agréablement surpris. J'ai vraiment capoté. J'étais crampée tout le long de l'émission. Donc, je vous explique brièvement. C'est une émission animée par... Attendez, c'est quoi leur nom déjà? Charles Lafortune, puis son wet toupette. Non, non, c'est américain, en fait. C'est animé par Robert Carradine et Curtis Armstrong. Attends, Carradine, c'est qui déjà? C'est ça? Revenge of the Nerds, les deux, le film. Oh, t'es-tu sérieuse, ouais, toi? Donc, ils sont animés par eux. Les Skolnick. Ouais, genre, c'est ça. Puis, puis, le but du jeu, c'est une compétition de qui va être le plus gros nerd de la compétition. Le nerd ou geek, là. Donc, sont environ 8, 10, 11, excuse-moi, sont 11. Puis, ils sont dans une grosse mansion de malade mental qui s'appelle le Nerdvada. Puis, le Nerdvada. Oh, et puis la maison, c'est hallucinant. Tout bon geek, tout bon nerd qui rentrait là aurait un orgasme sur le champ. Non, mais c'est des nerds. Non, c'est. Oh, attends, mais j'arrive. Geeks, non, mais j'y arrive. OK, histoire, c'est assez hallucinant. Donc, ça, c'est une grosse compétition. Ça peut être des quiz, ça peut être des challenges, ça peut être. Du gameplay, c'est vraiment... Puis quand il y a un challenge, j'appelle ça le Nerd War. Puis c'est une fois par émission. Puis celui qui perd le challenge doit quitter la maison. C'est comme un Big Brother de nerd dans ouais, mais c'est une télé-réalité de nerd, mais c'est vraiment bien fait, super bon, super beau. Donc, c'est ça. Donc, la récompense, c'est d'être, comme je disais, d'être crowné le roi des nerds. Et nerd. À la fin, il mérite 100 000 $. Puis, il peut s'asseoir sur un trône. Que, c'est le... Attends, il appelle ça le... Trône de fer? Le Throne of Games. Le Throne of... Ouais, oh, c'est comme le Trône de fer, mais... Il appelle ça l'évasion de la poursuite judiciaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, le trône, c'est fait un peu comme le game. Le ils vont changer de fer, le nom du trône mais à tous les ans. Genre, avec des épées, des guns, Nintendo, tout ça, tout en argent, tout. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. Puis, bon, c'est ça. Fait qu'on a 11 compétiteurs. Je vais vous donner brièvement qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Mais c'est quoi qu'ils font dans l'émission? Mais c'est ça, je vais. Ah, ok. Ben. Il comme tout expliqué. C'est correct. Savoir, c'est correct, il te reste 3 minutes. Ah! Oh. Je vais. Non, mais fait je veux savoir. Ça va du NASA Engineer, comme l'ingénieur NASA. Il y a un autre que c'est. Le gars, c'est un designer de jeux de rôle. Une écrivaine de fantasy. Excusez-moi, je l'ai en anglais, donc je le switch. C'est quoi le designer? Qui est obsédé par Batman. C'est des c'est consoles genre, ou en vrai je sais pas, vie, je me demandais moi avec si c'était des designs de jeux ou si c'était un genre de Dungeon Master à Dungeon & Dragon. Ouais, lui, je sais pas. Le gars, il est DM. Professionnellement, DM. C'est DM. Non, c'est ça. T'as Joe Schwartz, c'est un comic in gaming nerd. T'as Brandon, c'est un neurochirurgien? Neuroscientiste. C'est quoi le français? Scientifique. Ouf. Excusez-moi. T'as John, qui est mathématicien. T'as Hendrick, qui est géophysiciste. Il a 26 ans, il est gradué du MIT. Hendrick. Un neuroscientiste aussi. Il a un doctorat, puis il a juste 24 scientiste. Ans. Scientiste. Oh, scientifique, c'est moi. Ah, mais c'est parce qu'elle fait pour Eric. Il est pas là. Ah, oh, ouais, c'est ça. On a donc, un quota d'anglicisme à respecter. C'est un neuroscientifique. Il a un PhD, donc un doctorat à 24 ans. Il y a Alana, qui est le comic book nerd lesbienne, qui a énormément de savoir sur les dieux norvégiens. C'est eux autres qu'on aime le plus. Les dieux nordiques. Ouais, ultra. Les dieux nordiques ou les filles les lesbiennes qui aiment les comic books? Non, non, mais c'est moi, pas les une belle lesbienne. Que si pas elle les aime, c'est un plus, là. Non, non, mais c'est pas une lipstick lesbienne. Non, ok. Non. Je pense que c'était couple longueuil, puis moi, je lis des comics. Non, non, elle est pas très belle. Il y a Danielle, c'est une fille, elle, c'est une blogueuse de jeux vidéo. T'as Virgile, qui est un master hacker. Virgile? Ouais, le lutteur, Virgile. Là, le bodyguard. Céleste, le manager de... Il y a Céleste, la fille, c'est une pro-gamer. Elle vit de ça, c'est pro-gamer. Ok, c'est une pro-gamer? Ouais, pro-gamer. As-tu gagné des affaires ouais, contre elle? Ouais, c'est sa vie, c'est genre des grosses compétitions à part la Sago, je sais pas quel jeu qu'elle joue. Je pense que j'en ai manqué une, moi, là. Puis quand elle dit Virgile, puis moi puis Nick, on s'est regardé, puis tout de suite, on a passé au petit bodyguard black, là, de Million Dollar Man, Ted DiBiase, dans le temps. Son manager s'appelait Virgile. Ah, oh, c'est un petit Virgile, ouais. Oh boy. Je vais finir parce que j'ai pas beaucoup de temps. Excusez. Donc, là, c'est ça. Le premier challenge, c'est un jeu d'échecs. Le premier challenge, c'est un jeu d'échecs. Puis c'est. Comme quand tu vas à Cuba, là, les gros jeux d'échecs, c'est le ouais, bord, c'est ça. Un Christy gros jeu d'échecs. Moi, il y avait ça quand j'étais allé montrer mon hôtel, tu vas voir. Puis, attends, All je vais voir que j'ai All game. J'étais à All Game, moi. Ben, t'es pas à la bonne place. Moi, il y avait des gros jeux d'échecs à la plage. Moi, j'avais du rhum. Aussi, moi aussi. Oh, oh, excusez, on va fâcher. Hey, quand il passe à la table. Donc, c'est le premier challenge, c'est un jeu de chess géant. Puis, il est choisi, justement, le neurophysiciste, le whatever. Puis, l'autre, c'est le... C'est quand est-ce que les popos n'y arrivent? Le mathématicien. Attends. Il y en a-tu? Il y a des filles, justement. Il y a des filles, j'ai nommé là-dedans. Comme juste la... une minute et demie, là. Mais là, arrête, là. En tout cas, bref, le premier challenge, c'est un jeu d'échecs géant. Puis bon, chacun choisit un gars de l'équipe, c'est super stratégique, comme des vraies tronches, là, ultra tronches. Là. Puis là, il y en a même qui dit, en tout cas, il peut pas être si bon aux échecs parce que quelqu'un intelligent fume pas puis lui fume. Donc tu sais, c'est un petit call de nerd de même, genre de on aime comme ça. Socially awkward là. Ah ouais, mais fait que c'est des nerds. Non, c'est des, non, des tronches. Là. Non, mais c'est il y a des nerds puis des geeks, mais c'est ultra nerd là. Genre je regardais ça puis j'étais malaisant. C'est qu'un geek, c'est comme le nerd cool. T'sais. Non, mais c'est ça, il y a les deux, tu sais, il y a le gamer comme cool puis t'as les nerds vraiment socially awkward là. Ah oh, mais oui, qu'il y a les 22 stylos de couleurs différentes. Non, mais dans ça va bien le même là, mais genre un peu le même, tu vois le genre. Le premier gars quand tu rentres au bureau, tu donne du chocolat pour pas que la journée qui vient avec son AK-47 genre, il te saute pis ben, ça, ok peux... donc c'est pendant le jeu là il présente merci Dan Cook il présente deux personnages qui arrivent habillés. Il y a un soldat là, comme du film 300, il est habillé comme un Spartan pis t'as une comme une des filles l'a décrit stripper cat Harajuku flavor. Donc c'est une fille qui est habillée genre comme un peu Harajuku star. Une furie, elle met des petites queues là d'animal puis des oreilles. Elle est habillée plein de couleurs puis on voit les bobettes en dessous là. Ça c'est un weird, peu comme ce monde là, mais j'aime ça les observer pareil. Ouais, c'est spécial. Puis c'est ça. Fait qu'elle bouge les pions, parce qu'à chaque fois qu'elle bouge les pions, elle se penche jusqu'à ses cheveux quasiment pour qu'on y voit bien le cul. Elle est quand même hot la chick là. Puis à chaque fois qu'un pion s'est fait détruire, le soldat de 300 le détruit à coups d'épée, mais c'est assez hot là quand même. Là. Fait que là, t'as des nerds gas là-bas, genre « Oh mon mais Dieu! » Le comme but, dans le c'est film. De matcher une fille avec un des nerds? Non, t'as vraiment pas écouté, toi, man. Mais non, mais quoi, je catch plus okay, là, les gars, je l'ai les dit, filles. C'est une compétition qui va être le plus gros fait nerd et va être couronné okay, le fait king les filles nerd. Se battent contre les gars là-dedans. Non, c'est, là-dedans. Non, c'est mélangé, c'est ben deux c'est équipes. Ça, okay. T'as deux équipes de filles et gars. Tabarouette, OK. Donc, c'est ça, fait que c'est vraiment cool. Ça joue quand, ça? Ouais. Ça? C'est à NBC, je pense, ça joue. Je sais pas comment ça joue parce que j'ai regardé sur Apple TV. Mais écœurant, moi, je vous le conseille fortement. Juste comme la semaine prochaine, le juge, un des juges pour le prochain jeu, ça va être George Takei. Fait que, il y a vraiment... Nice! Oui, c'est ça que je vous dis. Il y a nice, vraiment cool, un bon investissement, il y a un bon cast, il y a un bon tout. Fait que moi, je vous le conseille fortement, King of the Nerds. Merci de la suggestion, on va regarder ça, c'est sûr et certain. Oui. Toi, Joe? Moi, j'ai vu ma maman aussi. Ouais. Puis c'était pas payé. Je l'ai dit tantôt. Je l'ai mentionné. Je l'ai bon, dit. Tu voulais juste ça. Puis, ouais, l'autre affaire, je voulais le dire, ça va être vite. Mais les petits trends là, de se faire remarquer sur Facebook, là, de manger des tampons, les filles. Là, oh, Lord. Faites pas ça. C'est dégueulasse. Je veux juste dire ça de même. Là. C'est. Ouais. Tu sais, c'est rendu là que t'es... Un peu d'unité, s'il vous plaît. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'attention. C'est fou, là. C'est fou, à un là. Moment donné, c'est grave. Mais ça, j'ai jamais compris ça, le trip de vouloir être connu sur le... Genre, exemple, il y a une fille apparemment qui avait sur Twitter, c'est une Québécoise qui avait fakeé d'être malade, puis elle, son rêve avant de mourir, c'est qu'elle aille 10 000 followers sur Twitter. Mais elle a pas fakeé d'être malade. Elle est vraiment malade, OK. Chris, oui. OK, ben vraiment malade. T'as pas vu les photos, c'est... Amé Goujon, tout le monde sait c'est qui sur Twitter. Ok, mais on va se le dire, je m'excuse, malgré tout le respect, t'es malade, puis c'est bien triste, tout ça. Mais c'est crissement loser comme rêve de fin de mort, même de fin de vie, de vouloir avoir 10 000 followers sur Twitter. Mais l'histoire d'elle, là, l'as-tu vu, c'est quoi? Je suis content que t'en parles en même temps. Non, mais... parce que c'est tout ce que j'ai lu. J'ai mais lu un résumé, c'est juste, comme, wow. C'est juste drôle, parce que elle têtait du monde, par Twitter. Ouais, j'en verrais des cloutiers. Genre, et plusieurs autres, Gabriel des Trois Maisons, etc. C'est comme la le toune de Camille. Ah, encore, elle? Non, non, mais j'ai pas dit qu'elle est connue encore. J'ai juste dit qu'elle est sur Twitter. Elle était connue en 2004, genre. Moins que ça. Ouais, puis il y a des limites à utiliser le mot connu, là. Ben, elle pensait à Musique Plus. En tout cas. Dans le temps qu'il y avait de la musique. Ouais, c'est ça. En tout cas, fallait qu'il filtre. Tu sais, il y avait Nabi, là. Ouais. Tout le monde se souvient de Nabi, là. Nabi, l'afro. Tu mets des gens en passant devant chez nous quand j'étais sur le plateau. C'est vrai. Je pense qu'il fumait sur le plateau tout simplement. C'est lui qui animait Bouge de là. Ouais, sûrement. Non, ça c'était. Juliette Powell. C'est pas Varda, ça. Je mélange toujours les. Varda. Qui ça? Nabi puis Juliette Parot. Fait que ouais, mais en tout cas, manger des tampons. Ben non, mais c'est juste, gars, tu sais, tu veux te faire connaître, là, c'est n'importe quoi. Manger là. Des tampons, ça passe, mais pas plein de sang. Ouais, à la limite, le manger vos tampons nature. Qui a jamais mis un tampon dans de la vodka, dans un verre, que ça se remplit, puis tu siphonnes le tampon? Non, non, tu siphonnes pas. Non, non, non. Hey, comment? Non, non, non, à l'instant, les filles ne se le siphonnent pas, elles se le rendent en une. Non, les gars, l'anus. Ça, je le sais qu'il y en a qui font ça. Attends un peu. Attends. Wow, minute, là. Là, je suis rendu à un moment culturel où j'approche de la trentaine. Je pense que je viens de me faire dépasser. Il y a quelqu'un qui a pris un cotex, un tampon. Qui a soigné ça d'un verre de vodka puis ça l'est rentré dans le péteur. OK, ouais. T'as pas vu ça? Pour buzzer. Non, ça soule. Aux États-Unis, ils ont même... Ça, gars, je suis même un suppositoire, ça marche. Fait que je comprends la théorie, là, ouais, mais pourquoi? Ouais, mais ça absorbe plus l'alcool, ton cul, genre, là. Plus vite comme... les soupes. Ouais, mais on est-tu plus... rendu à un point tel puis ce n'est pas filtré par le foie, puis tout. Ouais, mais... Fait que ça rentre direct. Non, ils ont même fait un avertissement aux nouvelles. Aux États-Unis, j'ai vu ça. Des jeunes dans l'hôpital, en coma, ils ont été obligés de passer ça à TV tellement qu'il y avait des jeunes qui le faisaient. Non, non, mais ça. Ils font des beer bongs dans le cul, dans des collèges. Non, mais hey, tapeur, là. S'il y a un des trips... J'ai vu des films. J'ai vu des films. S'il y a un des trips que j'ai dans la vie, c'est une bonne bouteille de vin, une bonne vodka distillée comme il faut, puis tu sais, c'est comme, mettons pas... Hey, man, j'ai eu un 72 onces pour 12 piastres. Tu sais, c'est comme une bonne vodka, quelque chose que je... Ouais, mais tu y goûtes comment? Ok, ça fesse, mais... Bon, il a dit, je veux boire de quoi de bien, puis juste dit, je veux me défoncer la face. Fait que c'est quoi en fait, c'est le cul. Ben, ouais, le cul. Peu importe, tu finis que t'es KO 5 minutes après dans ton lit ou dans un divan. Ah, mais KO ou... 5 minutes après, moi, toutes mes parties qui commencent de même, ils finissent mal. Ben, il y a du monde qui aime ça, ou y a, peut-être qu'ils font pas ça en début de party, je ne sais pas. Là. Fait. Mais ça, hey man, t'imagines-tu? Je l'ai jamais fait, mais... Okay. Quand j'ai déjà fait, par exemple, c'est remplir un verre avec quelque chose, tu pognes un tampon, les petits, t'es laisses dans le verre, ça remplit le verre, puis tu le siphonnes d'une shot, genre, puis c'est comme de la vodka raisin, mettons. Faisais ça, on était au secondaire. Là. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais il était pas usé ou quelque chose de même. Puis dans le temps, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, fait qu'il n'y a pas personne Moi, c'est ça, mais c'est des races. Je pensais que j'étais wild, puis finalement, non, je n'ai pas vécu. Non, t'as rien fait. Je n'ai pas vécu. Si t'as pas bu quelque chose avec un tampon, t'as pas vécu. J'ai déjà réparé une fuite. Tu sais, c'est comme, ça fuyait, puis il y avait plein d'eau partout, puis t'inquiète avec des serviettes sanitaires. Ouais, ça absorbe. Mais tu n'as pas bu de la serviette. Mais je l'ai pas bu. Non, non. Les ailes m'empêchaient, ça me coupait les coins de la bouche. Mais non, okay. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un monde qui n'ont plus d'imagination. Je sais pas. En tout cas, je sais pas quoi dire là, pour ça. Là, c'est juste. Ben ça, c'est ridicule. Non, non, ben, ouais, mais c'est comme je peux pas dire soit original. Je peux pas te dire soit original dans tes nouvelles affaires. C'est quoi, tu vas faire une vidéo tuer quelqu'un, hein, non? Magnotol l'a fait. Tu sais, genre. C'est, non, non, mais. On est-tu vraiment rendu là? Je parle, tu sais, tu veux attirer l'attention, tu peux pas faire la même style d'affaires que tout le monde a déjà fait dans un sens. Non, c'est sûr. Tu es ingénieux. Mais si ils sont rendus que 2013, là, c'est. Mais il y a déjà deux fakes qu'ils ont fait, mais un fake. Un fake puis un vrai, c'est ça l'affaire. Mais c'est pas ça que tu disais, tu voyais. Vous savez, c'est vrai, elles sont sanounes puis jamais directement. La première qui l'a fait. Ouais, la première que tu vois rien puis. Tu vois du colorant rouge. Regarde, mon expérience avec ça, c'est justement. Maison, je suis en train de casually en train de jouer à Daisy, puis lui il m'a envoyé un message. Moi, je t'ai envoyé le vrai. Je t'ai envoyé le vrai. Moi, j'ignore ça. Je finis ma game, puis là, je fais ah, tiens, un message de Milter. Ah, ça semble être un vidéo. J'ouvre ça, puis tu vois juste un doigt de chameau. Un camel. Il y a quelque chose qui sort du doigt de chameau. C'est-à-dire un orteil de chameau. Non, tu vois la fille, nowhere, qui te regarde. Mais ben moi, c'est parce que j'ai pas vu la caméra. Ben, c'est le début. Elle, comme, ah, c'est parce que j'étais sur une autre table de mon filtre, tu sais. Tu vois la face, ça descend, elle enlève le tampon, elle lève, il n'y a pas de montage, elle se le crisse dans la gueule. C'est dégueulasse. Tu sais, c'est. Non, honnêtement, là, c'est pas vargeux, mais. Bon, je trouve ça juste weird comme maudite mode niaiseuse de. Tu sais. Je sais pas comment dire ça, là, mais c'est le monde est rendu là. Il y a plein de millions d'affaires que tu pourrais faire, mais ça... Non, mais honnêtement, c'est parce qu'à quel point t'es rendu que faut que tu veuilles de l'attention pour aller... Tu sais, OK, il y en a des pilules de fer. Ils veulent de l'attention, puis ça dure quoi? Il l'enlève tout de suite après le vidéo de partout, il se fait bloquer. Tu sais, anyway, sur Internet, là, un vidéo de ce genre-là va avoir de l'attention pendant quoi, 30 secondes, 45 secondes? Ben, ça me plie. Leurs parents, ces filles-là, doivent être fiers. Ouais. Ah, c'est, ça, sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais moi, j'avoue, je vois juste de la crap de même parce que sur Facebook, j'ai genre 685 amis, mais je like 1700 pages de marde inutile de monde qui pose des conneries. Fait que dans mon feed, j'envoie de la niaiserie. Fait que c'est peut-être juste moi que pendant comme 3 jours, j'ai juste vu le nom de la fille passer avec sa photo. Ah, parce qu'on a son nom, puis hein, fille. Ben, c'est Giovanna Plowman. Ouais, ça, c'est la première. Ça, c'est la fake. Okay. La deuxième, la vraie, on le sait pas son nom, c'était un gars de nowhere qui avait posté ça il y a longtemps, puis son vidéo s'est fait share tellement, comme moi je l'ai envoyé genre à une vingtaine de personnes dans une box, là, juste dans, du monde que je sais qui c'est le genre de style vidéo bâtard. Qui reporteront pas, voir, là. Ouais, quelque chose de même. Puis il a été banni, je te dirais. Non, ça n'a pas été long. Ah, ça a été une ou deux soirées plus tard. J'étais allé le poster sur le mur à Danny Lacerte. Fait que Danny Lacerte, combattant urbain de exactement. Pédophilie mondiale. Fait que je m'ai dit, il va trouver ça affreux de voir ça sur Facebook, puis il va aller le reporter avec son armée de reporters. Ouais. Puis pas reporter de nouvelles, reporter non, de Facebook. De Facebook. Fait que je m'ai dit, je vais envoyer ça là, c'est drôle. Pas payé ça, pas payé. Mais c'est mes petites actualités là, j'ai pas fait grand chose d'autre. Fait que c'était une j'ai joué à Retro City Rampage, fallait juste que je le plug, j'adore ce jeu à date. Ça a l'air cool. C'est des petites. Toi, tu te réprès, j'ai pensé à toi dans les 5 premières minutes du jeu que j'ai joué. Oups. Parce que tu sais, c'est du vieux GTA style de haut 8 bits. Je pars, puis il y a comme 4 ou 5 bonhommes qui sortent d'un égout, sont verts. Ils partent à courir vers moi, nowhere, pis il y en a plein partout, là, pis c'est des gens de ninja. Je roule dessus, j'en tue une coupe, Achievement Unlock. J'ai tué des Ninja Turtles. Oh, nice. C'était. Fait que là, tout de suite, à cette heure, je vois des Ninja Turtles. Ce qui est cool, c'est que. Ben, t'es pas tout seul, parce qu'on dirait tout le monde qui voit des Ninja Turtles pense à moi. Ouais. Ben, avant, c'était pas de moi, on dirait, ça fait juste une coupe de moi, là. Comme les verres, je t'ai passé des verres, un kit de beaux verres. Le pire, c'est que j'ai passé proche de les acheter. Je dirais pas où, parce que quelqu'un va les acheter bien vite, pis t'es aura plus pour toi. Non, ben, c'est pas grave, tu sais, regarde à la limite, là. Mais, en tout cas, il y a des beaux verres des Ninja Turtles chez HMV. J'ai dit ça de même. Pas pire, ça. Ouais. Ben, tu sais, HMV, musique. Il y a des beaux petits kits, je trouve, de cassin. C'est con à dire, c'est là. C'est mais... Ben, moi, c'était le hoodie de Darth Vader, je l'ai acheté. Là. Ouais, mais il y en a plein, il y en a un de Spider-Man, j'ai vu, mais tu sais, le Dark Suit, là, pis en tout cas, je n'ai vu plein de. Un de Dead Mouse. Ouais, avec les oreilles pis toute la quête. Ouais. C'est quand même cool, ça. Moi, c'était tranquille cette semaine. HMV, ils sont pas en train de faire faillite. Je pense que c'était au UK, ça seulement. Ça n'a pas un rapport. Ici, c'est racheté. Ça, ça devrait être correct. Ouais, j'ai entendu ça, là. J'ai vu un article là-dessus. Ben, tu vois, regarde, parlant de faillite, moi, cette semaine, j'ai eu une nouvelle qui m'a attristé un petit peu. THQ, fait faillite. Pas THQ, Saints Row. Ben, pas juste Saints Row, plein de bons titres. Mais pour pareil, moi, c'est Saints Row. Ben, tu vois, THQ, regarde, c'est Saints Row, c'est Metro, The Last Light, ouais, qui va sortir. Ils ont des jeux de lutte, mais ça, les jeux de lutte. Les jeux de lutte n'ont pas été rachetés en passant, parce que THQ ont fait faillite. Puis, la majorité des studios ont été rachetés. Dans le fond, les principaux, c'est Volition, puis la franchise Saints Row, puis Metro, qui ont été rachetés par Koch Media. Koch Media, eux les autres, deux? Les deux. Dans le fond, ils ont été rachetés. Mais Koch, ils font pas de jeu. Ouais, ben, ils ont Deep Silver, ceux qui ont fait Dead Island. Ça, je savais pas. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'était pas si pire. Ça m'inquiète un petit peu pour Saints Row, parce que Dead Island, c'était le seul bon jeu de Deep Silver. Eric Sreisit, il contredirait peut-être qu'il en sortirait une coupe. Mais la lutte n'a pas été rachetée, la franchise de la WWE, ça n'a pas été racheté. Mais ça, c'est une vache à lait, pareil. Ça. Ben oui, puis non, parce que les ventes étaient quand même arrêtées. Ouais, mais si quelqu'un le fait comme du monde, qui revienne à le faire, ouais, tu sais, il était parfait au Nintendo 64, mais depuis ce temps-là, ils sont plus capables d'en faire un comme du monde. Ben, c'est pour ça qu'on va voir. Mais Nintendo 64, si je ne me trompe pas, c'était Yi et Big qui les faisait dans le temps. Peut-être. Ça se pourrait. Je ne suis pas sûr. Puis garde, je suis pas un fan de mais lui, même là, fait. On s'entend que je parle, peu importe la compagnie qui le fait, ils sont pas capables de juste pogner ce concept-là. Le revamper, c'est un autre nouveau engine de jeu de toute façon. Fait mais d'un autre côté, tu sais, garde, écoute, ça n'a pas été vendu. Il y a peut-être une raison pourquoi. Ouais. Il y a la franchise de Homefront, qui était un jeu qui était inspiré beaucoup de Red Dawn. Ça, c'est Crytek qui a racheté ça. Ça a été racheté, je pense que ça n'avait pas été racheté. Ça a été racheté par Crytek. Ça, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Homefront, moi, je l'avais bien aimé ce jeu-là, puis il n'y a pas eu l'amour qu'il méritait. C'était super le fun, l'expérience que t'avais. Le multiplayer était moins le fun, mais le single player était bien intéressant. Moi, je suis bon avec les jeux, mais c'est-tu que j'ai de la misère, excusez, là, avec les studios, à me souvenir ouais. qui, là, tu sais, les... Ben, tu vois, THQ, un autre fait divers, c'est... dans le temps, Patrick Desilets, un des starting members d'Assassin's Creed, avait quitté. Je voyais le nom partout cette semaine. Il a parti le studio de THQ Montréal, puis lui, il était parti, puis il était un peu en mauvais terme avec Ubisoft. Ubisoft ont racheté THQ Montréal, puis ils ont acheté la licence de South Park, de Stick of Truth, ça que toi, je sais que t'attends comme ça, j'attends se peut pas. Un crime, ce jeu. Puis tu vois, là, il y a un litige un peu, c'est que les propriétaires de South Park veulent pas que la licence appartienne à Ubisoft, fait que là, il y a un peu de litige là-dedans. Le jeu devrait sortir. Y a-t-il une raison? Ben, écoute, c'est sûr que moi, j'ai juste vu des articles à date, j'ai pas vu de raison du pourquoi, du comment. Moi, je pense qu'ils ont sûrement négocié avec plein de monde avant, puis qu'ils ont pas aimé qu'est-ce qu'Ubisoft a leur vision ou de quoi, puis là, ils se font comme forcer vu que c'est racheté. Ouais. Mais ce jeu-là va sortir. Fait que le monde va pouvoir l'acheter, tu sais. Mais c'est peut-être pas qu'est-ce que ça aurait dû être originalement. Ben, en fait, le jeu, ça sera pas vraiment. Le jeu, il était prêt à sortir. Là. Fait que c'est, il changera pas vraiment. Fait pourquoi qu'il attend? Bonne question. Je bonne question. Mais moi, j'étais triste un petit peu parce que THQ, moi, ma première expérience au E3, c'était le kiosque de THQ, justement, qui annonçait Saints Row the Third, puis il y avait Warhammer, des choses comme ça. Le booth de UFC. Puis THQ, j'ai tout le temps trouvé ça le fun. Puis ça a été un des pionniers. Puis je trouve ça plate qui ferme un peu. Fait que ça, c'était ma nouvelle plate. C'est tout le temps plate quand il y a une grosse. Mais en tout cas, ouais. je vois bien dormir pareil hier soir. C'est là, sûr, je veux dire, tu sais, t'entends un nom. Là. C'est comme, c'est con à dire, là, mais j'entends beaucoup d'affaires mauvaises à Wii U. C'est un site de. Ils risquent d'être en retard parce que là, ils sortent pas de bons jeux. Puis que là, les autres vont commencer les previews des nouvelles consoles. Fait que vu que le monde va avoir une nouvelle console, ils vont dire fuck off la Wii U. Puis, c'est pour ça qu'ils ont fait le Nintendo Direct qui était hier. Ouais. Puis ils ont annoncé beaucoup de jeux. Là, mais ils n'ont pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Mais je pense que ça s'en venait. Mais il y avait deux mois à peu près encore pour commencer. C'est en non, pas deux mois. En juin, là, on va commencer à avoir des affaires d'Xbox puis de PlayStation 4. Mais c'est pour ça 4, que je pense que la conférence de Nintendo elle avait le but de calmer les gens. Fait que cette semaine, dans le jeu vidéo, ça a bougé. THQ faillite vendue. Vendu séparément en plus, pas individuellement, fait qu'il n'y a pas un nouveau THQ, c'est vraiment tous les studios séparés. Atari, faillite. Atari, c'est plus Atari ce qu'on avait, mais Atari fait faillite. Ça, je sais pas comment que ça mais va se faire. Mais c'est des noms qui s'en vont, là. Hey, c'est des pionniers, c'est ça. Là. Ça a starté, comme Nintendo, c'est j'avais début, peur qu'ils s'en aillent, parce qu'il y a bien du monde qui parlait. C'est poche, on dirait que c'est la Dreamcast de Nintendo, ça, tu sais, fait que là, le monde... Mais Nintendo, je suis pas inquiet pour eux, parce que c'est une des seules compagnies qui font du profit excessivement rapidement avec leur console. Ça fait un petit quelque chose pareil, tu sais. C'est sûr. Moi, je pense, j'ai commencé à gamer avec du Nintendo, fait que, tu sais, j'ai un petit quelque sûr. Chose, quand le monde, il me dit, Nintendo va faire faillite, là, ça vient me chercher. Je pense que c'était pas faillite, mais... T'sais, le monde, ils sont inquiets pour Nintendo. Puis la Nintendo Direct servait à ça. Servait à calmer les gens, contrôler un peu les rumeurs. Puis, c'est juste s'assurer, regarde, il y a du stock qui s'en vient, mais on travaille dessus présentement. Ouais. Fait que ça, c'était ma première affaire cette semaine. Puis deuxième affaire, la radio conventionnelle et populaire m'a fait découvrir un groupe de musique. Oh. Un groupe, en fait, un artiste et son partner. Par conventionnel et populaire, tu parles de ben, genre, poste? C'est quoi? C'est quoi? Énergie. Énergie, oui, c'est KMF. C'est cassé. Non, je m'en disais, c'est KMF, mais... T'es vieux, André? Tu connais c'est KMF? Écoute, un petit peu, mais... Anyways, fait que j'ai découvert Macklemore, qui est la toune Thrift Shop, qui joue pas mal ces temps-ci. Et Macklemore, je pensais le... Macklemore, non pas Macklemore. Je pensais le producteur. Pas le cinéaste de documentaire, là. Bowling for Columbine, je pense qu'il a fait. Non, c'est Macklemore. La toune Thrift Shop, j'ai vu le clip, puis j'ai accroché instantanément. Tu sais, c'est un gars qui va magasiner dans des marchés aux puces, puis dans des l'armée du salut, les villages des valeurs, puis des affaires de même. Comme Nick, finalement. Un peu comme Nick. Thrift Boy. Mais honnêtement, c'est que le hip-hop, ça a été de quoi que j'ai jamais vraiment écouté. J'ai tout le temps été gros punk rock, puis les affaires de même, puis le kit. Puis on dirait que je l'apprivoise de plus en plus. Puis cet album-là, honnêtement, là, c'est un excellent album. Là, ça n'a pas de sens. Chaque tune est bonne de A à Z. Le flow du gars, hey, je plaque des termes de hip-hop. Le flow du gars, il est super bon. Puis son premier verse, il est-tu popé? Oh, oh hein? Là, il destitue quelqu'un dans sa toune? Non, ben en fait, non. Hein? Les termes et pop. C'est peut-être pour ça que ça m'a accroché, parce que c'est pas juste de parler de combien de putes il y a, puis l'argent, puis ci, puis ça. Fait que c'est du white boy rap. Oui, c'est du white boy rap, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis il y a une toune, je cale la shot, ça s'appelle Same Love. Puis je l'ai trouvé couilleux un peu parce qu'il parle, tu sais, dans le fond, de l'homosexualité. Oh. Puis ça tourne. Non, ça tourne en fait du point de vue. Puis tu sais, à un moment donné, tu sais, tous les points qu'il apporte, c'est, tu sais, regarde, faudrait un moment donné en revenir. Puis, tu sais, qu'on passe à autre chose, qu'on arrête, tu sais, puis dans notre quotidien, tu sais, dire c'est gay ou bien vague ou des affaires de même. Puis tu sais, il parle de ça. Moi, je parle de la shot live là, ça joue à radio, puis cet artiste-là explose parce que c'est une toune. Ça va faire le petit sentimental value, ça va avoir le shock value qu'il faut aussi, mais la toune est écœurante. C'est-tu comme I've Got a Feeling des Black Eyed Peas? Ben, en fait, c'est pas dans la même veine. Ça t'amène pas au même niveau, là. Ben, en fait, c'est que I've Got a Feeling, moi, j'appelle ça un peu du pop vide. Ouais. Puis ça en prend, regarde. Macklemore est un peu plus consciencieux dans son contenu. L'album, c'est The Heist. C'est sorti en 2012, apparemment. Moi, je suis passé carrément à côté de ça. La vieille musique. La radio commerciale m'a fait découvrir ça cette semaine. Fait que The Heist, Macklemore and Ryan quelque chose. Je suis désolé, l'autre gars, on s'en rappelle pas de son nom. Ouais. Mais super bon. J'ai vraiment adoré ça. Check ça. Fait que c'est ce qui s'est passé cette semaine pour moi, à part certains achats d'équipement. Louche. Louche, ouais, c'est très louche. L'équipement de podcast. Louche. Louche. Êtes-vous en forme? Mel, je sais que t'as faim. Moi, double pizza, Moi, j'ai faim aussi, là. J'ai accompagné Mel dans son jeûne. 5 minutes. C'est vrai, Melter, il a faim aussi. Mais lui, il boit de la bière, fait que ça le bourre un peu. La bière, c'est du pain liquide, je vais le dire pour une deuxième fois. Liquide. Cette semaine? Non. Non? Non. Non? OK. Pas cette semaine. Twitter veut pas. Twitter veut pas? Qu'est-ce qu'il dit, Twitter? Rien. Il dit rien? Bon, ben regarde. Je dis, il veut pas. Cette semaine, Melter... On va aller te faire vivre un peu ton passé. Non. On va aller faire vivre le passé de chacun. Est-ce que je veux vraiment vivre ça? Ah, écoute, ça, je pense que tu vas être content de revivre ça. Cette semaine, on parle de dessins animés. On va parler des petits comics. Ouais. Les dimanches matins, les samedis matins, les Bulldog Bazar. Vasimolo. Les Vasimolo. Hey. On va parler des dessins animés de notre enfance puis d'aujourd'hui. Moi, je veux qu'on... On a tous des braquettes d'âge différents, on a tous du vécu différent. Est-ce qu'on nomme nos âges? On fait ça? On fait ça. Avez-vous connu Sandy John avec Louison? Non, tu vois. Moi, Nick, tu viens de me clairer live là. Ouais, c'est Sandy John avec Louison. C'est comme Vasimolo, mais. Avant Vasimolo. Mais c'était la même chose. Mais c'était quoi les cartoons? Mettons, c'est quoi qui jouait à Sandy John? Sandy John, il y avait Candy. Non, oui, Candy. Oh jouait. Boy! Candy. Les G.I. Joe, Transformers. En français. Ah, ouais. Tout en français. Ouais. Y avait-tu l'interlude? Ça me dit quelque chose, mais... L'interlude, là, tu sais, que t'avais les bouts de Charlie Chaplin avec de la musique wacky, un peu. Là. Non, mais tu sais. Benny Hill censuré. Ouais. C'était pas comme Vasimolo, tu sais. Vasimolo, il y avait des sketchs aussi qui faisaient. Ah, ça, j'ai pas catché ça. Il faisait des sketchs comme entre les dessins animés. C'est parce qu'il mettait pas de publicité au Québec. Elle faisait pas grand-chose. Elle était là, elle animait, puis il y avait des dessins animés. Je pense qu'elle parlait à des marionnettes. Des Transformers, puis. Ben, ok, enlève Candy. Peut-être que je mets les affaires. Musclor, en français. Sandy John, c'était à Radio Cannes, je pense. Puis peut-être que les Transformers, ça jouait à TVA aussi, là, mais en tout cas. C'était pas mal ça dans ma jeunesse. Il y avait les Transformers, puis les G.I. Joe, ça c'était. Le top. Là. Ben, oui. Honnêtement, moi, c'est, gars, mon gros souvenir quand j'étais jeune, c'était un peu ça. Moi, j'ai d'autres émissions, par exemple. Tu vois. Ben... Moi avec. Oui, aussi, sans nommer mon âge, là, je me souviens de Masque. Est-ce que vous vous rappelez de Masque? C'est les gars avec Masque les avec véhicules Denis, qui... Ça? Non, c'est les véhicules qui... Pas, non. Puis Cher. Toi, c'est Cher. Pas le film avec le gars qui avait la face bizarre. Là. Masque, c'est les gars. Les bonhommes, il y avait des aimants, c'est ça? Ben, en fait, Masque, là, c'était les véhicules qui se transformaient. Ben, le gars, il y avait une Camaro qui devenait un avion. Mais... Masque. Tu sais, tout le monde avait un char mais c'est qui se transformait M. en quelque chose. A. Ouais. S. Pas, ça me dit quelque chose. Puis dans leur base, il y avait une table ronde, puis là, ils s'assisaient autour, puis là, la table ronde, elle tournait, puis là, ils se faisaient mettre leur casque. Moi, j'ai moins écouté puis, ça, mais je sais bon, que tu veux dire ça. Ouais. Moi, j'étais E-Man quand j'étais bien jeune. E-Man, c'était bon. 4-5 ans, là, j'étais E-Man à fond, là, c'était incroyable. E-Man, c'était bon jusqu'à temps que tu le réécoutes un peu plus vieux. Ben, j'ai racheté, genre 20 ans plus tard, les coffrets, saison 1, partie 1, saison 1. Ça vient-tu bien, ou? Oui pis non, mais l'affaire, c'est que, tu sais, c'est cool d'en regarder, pis je m'ai rendu compte que c'est plus cool de t'en pogner un à Télétoon rétro, là. OK. que d'écouter 4-5 d'affilée. Mais quand tu dis je vais partir de l'épisode 1 puis je vais voir c'est quoi il mène en ligne, genre là, vraiment suivre l'histoire, tu te rends compte que ça suit pas. C'est ben plus ou moins, mais c'est juste que c'est plate. Ouais. C'est pas pareil là. Tu t'assois pas devant ça comme si t'écoutes Dexter ou The Walking Dead puis je vais me taper plusieurs épisodes en ligne puis être concentré dessus. Mais ça j'ai fait ça avec les Ninja Turtles moi. Ouais. On parlait de Ninja Turtles, ouais, fanboy. Mais les Turtles, bon, il y a une histoire qui développe pareil un peu dans, au travers de tout ça. He-Man, c'était pas mal plus léger comme développement d'histoire. Puis tu regrettes de regarder encore, mais. Ah, mais fuck. He-Man, c'était une déception un peu pour moi quand j'ai réécouté. Ben justement, c'était dans la pause des années 80, que moi j'appelle ça la pause des courses sans aucune raison. T'avais tout le temps un bout d'un cartoon des années 80 où quelqu'un se mettait à courir. Pendant à peu près comme un. Ben c'est ça, je voulais dire un peu dans le sens qu'il réutilise des scènes. Ah fait que c'est lui qui court de la même façon. Mais il change en arrière. Il change des fois. Ben, puis même là, des fois, ça change pas puis ça fit pas. Comme Anna Barbara, dans le fond. Ouais, ben ouais. C'est quand il marche puis c'est le même background. Cheap animation. Là. Ouais. Ben, c'était quoi donc? C'était pas un genre de Funimation là, où c'était eux autres qui faisaient les faux Ghostbusters, là, genre. Là, ah, mais il était bon, les faux Ghostbusters ouais, avec le gorille. Mais ben ouais. C'était quoi le nom de cette compagnie-là? C'était The Real Ghostbusters. Ouais, The Real Ghostbusters, c'est bon, ça. Mais il y avait. C'était comme un arc-en-ciel, la marque qu'il faisait, là. Je me souviens c'était plus. Dick? C'était pas Dick. Dick, c'était Captain Planet puis Widget. C'est quoi? Ben, c'est ça, mais je pense que c'était ça, Dick. Ça, c'était années 90. Oui. Mais je me souviens plus. C'était... Toi, man, c'est quoi t'écoutais quand t'étais jeune? J'écoutais bien les affaires, en fait. J'écoutais les Teenage Mutant Ninja Turtles aussi, que j'écoutais. J'écoutais le Super Mario Bros. Show. Ça, c'était cool, avec, ça. Avec j'ai les coffrets de DVD Link, Zelda, là. Ouais, ouais. Ouais, puis le live action de Mario. Excuse me, Princess! Moi, j'aimais bien Captain N. Je sais pas si and the Game Masters. Ouais, mais ça, j'étais moins consciente de ça. L'émission de Zelda m'a vraiment. J'ai dit réécouter, puis c'était aussi bon, ça. Captain N, ça a bien vieilli, c'était cool. Ben, ça vieillit si tu l'as écouté, puis t'es nostalgique des jeux comme Faxanadu. Pis, ça, puis les bouts avec justement le vrai Mario Bros, là, qui avait des affaires qui arrivaient. Ouais. Justement, des fois, tu voyais arriver un gars de Ghostbuster qui venait dans l'émission mais de y Black. Mais il y avait. Toi, c'est celle que Mario, il animait comme en vrai au début. Puis c'est ça. Super Mario Bros Show, puis tu voyais justement. Le Black dans Winston Zedmore. Il arrivait des fois parce que je sais pas trop ce qui est arrivé. Luigi s'était fait attaquer par un slob, puis justement, il fallait qu'il vienne le zapper. Fait que je me souviens de ça, ça m'a comme. Ouais, il y avait comme des invités un peu. Ouais, moi, tu viens de me faire un flashback. Winston Zedmore, quand il passe l'entrevue dans Ghostbuster, puis Janine, elle dit, tu sais, croyez-vous en telle affaire, la méditation des trolls. Tu sais, c'est comme. Ouais. Les phénomènes, elle dit les fantômes, les exorcismes, la méditation des trolls. T'écoutes ça, là, pis tu fais. C'est quoi une. Y'a-tu quoi de moins menaçant que. Parce que, premièrement, troll, si t'as entre 20 et 30 ans, tu te rappelles du cossin avec un brillant sur le nombril pis les cheveux dans les airs que tu me frottais pour faire un ça, souhait. Ouais. Mais tu aussi. Dis ça qui médite, y'a-tu quoi de moins menaçant que ça? Y a aussi. Tu connais la légende du troll en dessous du pont tout le temps. Ouais. Quand t'es jeune un peu là, with Tales from the Crypt, il y avait tout le temps ça un peu là. Mm-hmm. Et aussi, mais c'était cliché pareil là, ce que j'écoutais aussi tellement j'écoutais dans la famille, donc toute la panoplie d'émissions japonaises traduites en français. Il y avait aussi Quasimodo que j'écoutais, il y avait Cops. Ah, Cops le cartoon, oui, c'était cool. Oui, Cops le cartoon. Oui. Ça, c'était weird, par exemple. Il y avait les Power Rangers. Il y avait Police Academy aussi, en cartoon. Ouais, Police Academy, oui, j'écoutais en masse. Cool, est-ce que les Froggle Rock, ça rentre dans des dessins animés? Ou... Ben écoute, c'est du live action, mais Jim Henson, je l'aime bien. Du live action. Mais c'était cool, les Froggle Rock. Froggle Rock, c'était hot. Moi, j'avais peur un peu, j'étais jeune, mais j'avais peur un peu. Moi, j'avais un toutou, tu sais, les bébites qui construisaient des structures en tige de verre, là. J'avais un toutou de ça quand j'étais jeune, puis je capotais bien. Un toutou qui construit des structures en tige. Non, mais dans Froggle Rock, là, tu sais, les Froggle Rock, ils bouffaient les structures de verre. J'avais peur de ça, moi, un peu. Ben, tu vois, les petites bébites qui construisaient, il y avait des chapeaux de construction jaune, j'avais un toutou de ça. Quoi d'autre, j'étais plus Muppet Show que Fraggle, je dirais. C'était bon, Muppet j'aimais Show. Les deux petits vieux qui chiolaient solide sur le show. J'ai quand même catché par après ce mot-là. Là. J'étais comme, pourquoi qu'ils mettent les chiolages dans leur propre épisode? Puis... Les rats d'un Muppet. Ouais. Eux autres, t'es cool. Mais The Great Gonzo, c'est The King. Ouais. Ouais, fait que c'était pas mal. Il y en a là qui mais m'échappe. Là, mais aussi, t'en as tellement sorti là, que j'ai pensé que aussi je me dis, il y a quand que j'étais jeune, j'écoutais justement He-Man. Après, j'ai été G.I. Joe Transformers. G.I. Joe, ouais. Mais après, les c'était X-Men plus tard, aussi. Le Cops, puis X-Men, ouais, Power tard, Rangers. X-Men, là, c'est bon. Là. X-Men, c'est vraiment cool. Ouais. Les X-Men du samedi matin, là, ils étaient... Ils avaient essayé de faire Wild. Je me souviens, il fait ça, puis il y a comme un flash. Ils ont fait Thunder, Wildcats. Wildcats, c'était tellement... Moi, je m'en rappelle, là... Dans ce temps-là, il y avait mon père travaillait dans la construction, puis il y avait un gars qui travaillait sans construire qu'eux autres. Puis il m'amenait tout le temps des comics, puis il m'avait amené le comic de Wildcats. Tu sais, Jim Lee, puis Image, kit, puis tout. T'as Voodoo qui est sexy à l'os, puis t'inquiète. Puis tu sais, moi, je suis quand même assez jeune, je me fais donner ça. Puis là, je tombe, puis j'écoute Wildcats à la TV, que c'est rendu PG-13 au bout, puis ouais. Là, la petite toune au début, Wildcats, puis le kit des défendants. De j'écoutais pas ça, là, mais j'avais une couple de BD, j'avais essayé dans Wildcats. Le temps Wildcats, puis j'avais pas embarqué. Mais... Ouais, avec le grifter puis toute la kit, puis c'était pas vargeux honnêtement là, le cartoon mais, était vraiment il y a bien bon. des cartoons Marvel, c'est peut-être moins là, mais les comme tu as dit X-Men là, mais j'ai écouté du Iron Man plus tard en cartoon du ouais. Hulk même là, ça jouait de bonheur là, Spider-Man il était bon, tous les Spider-Man j'y trouve bon, moi j'embarque ouais. Là-dedans là, c'est incroyable. Moon, à YTV Sailor Moon, ouais. Dragon Ball Reboot, ça c'est un classique, moi j'ai tellement capoté quand ils ont sorti la suite. Ça vieillit bien en plus, ça vieillit bien parce que après quand ils ont fait la suite, ils ont sorti comme 5-6 ans plus tard avec justement Enzo qui a grandi et qui est devenu ouais. Matrix. Ils ont dit qu'ils ont suivi l'âge de ceux qui regardaient l'émission plus jeune parce que c'est vraiment plus mature, ouais. Vraiment plus intense, plus violent, plus scène c'était d'amour cool. Entre lui et Andrea, tout ça. Fait que ça suivait vraiment le crowd. Moi, je trouvais ça vraiment le fun. Fait que moi, j'ai capoté quand j'ai vu la suite. J'ai vu comme 10 ans après la suite parce que j'étais pas au courant que ça. Moi, j'ai comme arrêté suite. À cause de ça. C'est con à dire, là, mais j'ai... Il y a comme eu un break, j'ai arrêté. Quand ça recommençait, j'étais comme c'était perdu pour moi, fait que je l'ai pas tout écouté. La suite, elle est débile, mentale, ça n'a rien à voir, là, c'est écœurant. Puis là, ça s'est arrêté sur un cock tease à la fin. Là. Je sais quoi mais à la fin. C'est un phénomène sur Internet parce qu'ils ont manqué de fonds pour le continuer. Puis c'est un phénomène sur Internet, c'est malade comment que le monde. Ils veulent une suite. Puis justement, j'avais vu un des dessinateurs au Comic-Con, là, 2 ans. Mais qu'ils fassent un Kickstarter, il me semble, ça va rater. Ils ont fait une web série, mais pas une web série. Ouais, mais fait pas, produit rien, il fait juste dire tu veux-tu qu'on fasse une autre série? J'avoue que dans l'état de Kickstarter, il Kickstarter, pourrait, là. Hey, y a des petites machines, puis des. Tu sais pas c'est quoi un Kickstarter? Admettons là, qu'on voudrait. On aurait un vrai projet concret, là, pas comme le podcast site. Là. On a un vrai projet. Admettons qu'on aurait de quoi qui pourrait vraiment avoir de la. Puis faire être rentable en quelque part, puis aller quelque part avec ça. On pourrait le présenter à du monde, puis en le présentant, en tout cas, tu le présentes sur Kickstarter, puis tu peux ramasser des fonds là-dessus. Là, c'est dans le fond, web, c'est des donations volontaires, puis le monde okay, ils font. C'est comme un chip-in. Là, ouais, mais ils font des étapes, par exemple. Ben mettons, c'est chip-in. Comme. Mais ils devraient, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait, parce que tu sais qu'il y a un webcomic par après pour faire un peu de suite, puis après, le gars, quand justement, j'ai demandé au dessinateur, non? J'ai demandé au dessinateur au Comic-Con, puis il était comme... il y a quelque chose qui s'en vient, mais je ne peux pas en parler. J'ai comme, OK, c'est beau, le teaser. Il attend que son Kickstarter, bon, il start. Ça fait 2 ans, puis il y a sweet fuck all, là, fait que... Il y a plein d'affaires, ce Kickstarter. Moi, j'ai une question pour vous autres. À l'âge qu'on est rendu, écoutez-vous encore des comics? Écoutez-vous des petits bonhommes? J'écoute tout le temps, j'écoute juste ça. Ouais. Ouais, toi, t'as deux kids, là. Ouais, mais mes kids, ils écoutent Disney Junior ou... De quoi, Disney Junior? Oui, ouais, mais il y en a un comme le plus le jeune. De 3, ouais. Non, pour les enfants, je peux pour nous autres, c'est d'autres choses. Là. Que moi, quand je regarde ça, que je me rappelle c'était quoi Disney avant. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Moi, j'écoutais DuckTales, puis c'était bon, DuckTales. Hey, DuckTales, c'était bon. Darkwing Duck. Darkwing Duck, il était malade, ça. Puis il y a bien du monde qui oublie que Gargoyles aussi, c'était Disney. Gargoyles, puis, ça, je les ai tout réécouté. Ça, je m'ai pogné à la série, puis je l'ai tout réécouté, puis je tripais bien raide, là, justement, des suivre. Parce que ça, il y a une histoire qui suivait, une bonne histoire développée. Il y a 50 épisodes dans la deuxième saison. C'est... T'avais Tailspin aussi, que j'avais bien aimé. Ça a l'air cool. Ça, je trouvais ça plus poche un peu. Mais parce qu'un moment donné, c'est que la saison 1, c'était beaucoup kids. Puis un moment donné, quand t'avais comme les pirates de l'air qui embarquaient, là, ça commençait à devenir un peu plus... Mais moi, c'était DuckTales, Darkwing Duck, Chip and Dale pour les Rescue Rangers. Rangers du risque. Puis le jeu de NES, il était écœurant. C'était un des meilleurs jeux de NES que j'ai joué, ça. Dans ce genre-là, du co-op style. Mais même encore là, tu vois, regarde, ça... DuckTales, c'était un bon jeu aussi. Le tableau de la lune dans DuckTales, c'est dans une de mes tunes préférées. Aller chercher le fromage vert pour... ta collection de fortune. Ou mais ça, encore une fois, on est nostalgique. Mais d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui? Moi, ben, OK, ça dépend. Parce qu'il y a les cartoons d'aujourd'hui, mais j'ai vu que j'ai Télétoon rétro, j'écoute encore DuckTales des fois. Moi, je veux dire d'aujourd'hui. Okay. Sans jouer avec les technicalités. D'aujourd'hui, j'écoute South Park. Okay. J'écoute les Simpsons. Okay. J'aimerais écouter plus de Family Guy puis toutes ces dérivés, mais j'ai moins la chance parce que, en tout cas, faut que je fasse des choix à un moment donné. J'aime Adventure Time. C'est bon, ça, Adventure Time. Ma blonde, elle me trouve fucké quand j'écoute ça, là, mais est-ce que j'aime ça, là, c'est... Adventure Time, c'est bon, ça. C'est comme regarder de l'acide, là, tu sais, t'es comme, oh, shit, ben, t'avais ça, puis t'avais on parlait des Muppets, puis de Fraggle Rock tantôt, puis t'avais Wonder Chosen aussi. Ouais, ben ça, j'ai les coffrets DVD de ça. J'adore Wonder Chosen. Wonder Chosen, là, ça, c'est... Puis je veux te les emprunter, tes coffrets DVD, moi, ouais, ben, parce que c'était malade. Là, je vais spoiler de quoi. Je voulais planifier pour un genre de peut-être manette dorée bientôt. OK. J'ai une couple de DVD de même. Je les emprunterai pas tout de suite, d'abord. Moi, côté peut-être. Émission plus vieux, j'ai plus switché aux animés japonais. Mm-hmm. Que, ben, mais vers quand je t'ai fait le switch puis que t'es embarqué là-dedans? Parce que moi, c'est con, là, c'est mais j'ai vrai vraiment découvert l'anime japonais plus vieux. J'ai découvert ça vers. J'ai vu les classiques, Akira. Mais il y a plusieurs styles bâtards aussi. Là. À 18 ans, bon, à 18 ans. Mais c'est parce que. Avant, du castor, c'est moins hot. Avant, il y avait. La boîte noire. C'est un anime. Il y avait la boîte noire sur Ontario. Fait que j'avais découvert ça. Celui-là qui a fermé? Oui, il a fermé. Ouais. Puis on est rentré. Oui, ça a fermé. Ça a fermé. Ça fait comme 4 ans, 5 ans. Non, non, ben non, oui. Ben oui. Ben non. Il y en a un qui vient de faire Simon Royal, je pense. C'est la boîte noire. Ouais, ben c'est pas ça que t'as dit? Non. C'est carrément la boîte noire. Tu disais la boîte noire. Attends, là. Celui sur Ontario. La boîte noire vient de faire. Il y en a qui vient de fermer. Ouais, ouais, ouais, l'autre affaire. C'est plus. Ça, c'est une place juste animé. Attends, mais là. Attends. C'est pas le 7e ciel, tout de même. Puis, non, moi, je sais quoi tu parles, mais c'est pas ça. En tout cas, bref. Moi, il y avait des animés là-bas. Ça switchait à 18 ans. À 18 ans, j'ai découvert ça parce que j'ai passé devant. Puis, c'est cool, c'est quoi, on va aller voir. Non, puis j'ai vu qu'il y avait plein d'animés. Puis, je me suis retapé les Sailor Moon, parce que j'écoutais plus jeune. Tu sais, je me suis retapé ça. J'ai dit, wow, on s'en va même faire tout en japonais. Puis, traduit en anglais à YTV. J'étais comme, wow. Oh, c'est sûr. C'était vraiment plus hard. Puis, après, je suis allé voir le gars. Puis, j'ai dit, conseille-moi des animés. Ouais, mais il y a des épisodes coupés là-dedans aussi. Ouais, là, c'est vraiment différent, ouais. Le mood. Là. Même puis, les Pokémon, c'est différent. Non, c'est différent en japonais. Fait que je suis allé là, puis j'ai dit, peux-tu m'en proposer d'autres? Puis il m'a fait découvrir Blood Plus, il m'a fait découvrir 12 Kingdoms, des affaires comme ça, des classiques. J'ai dit, fais-moi des classiques, ça, j'ai des bons mangas, puis j'ai donné mes goûts, des bons animés, pardon. Fait que j'ai commencé de même, puis après, ben, quand je me suis rendu compte comment ça coûtait cher, j'ai commencé à streamer sur Internet, malheureusement, excusez-moi. De toute façon, c'est gratuit sur Internet. Ouais, puis sinon, t'as des sites, gars, moi je t'abonne à Crunchyroll, puis ça me coûte 7$. Ouais, puis... mais c'est parce que, moi je trouve que c'est. Pourquoi payer? Je comprends pas comment ça marche Crunchyroll parce qu'ils payent les licences, je sais pas trop. C'est du simulcast dans le fond. Il y en a aussi qui passent des pubs avant. Parce qu'il y en a des gratuits. Mais tu peux l'écouter gratuit sur Crunchyroll. Comme c'est Crackle. Juste pas HD, puis t'as des pubs. Mais si tu payes le 7$, t'as accès à tout, les simulcasts, fait qu'ils jouent, une heure après, il est disponible, déjà fansub. Moi, j'ai vu sur Tidal parce que je n'écoute pas ça en anglais. Là. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est considérant que... Double Pizza vient de nous amener la deuxième la pizza. Sérieux, Double en Pizza, retard. Service de marde. On va prendre une pause. On va vous laisser manger votre pizza. Puis on va revenir tout de suite après. Mais pour les gens à maison, ça apparaîtra même pas avec la magie d'Internet. Ça apparaîtra même pas. À part ceux qui nous suivent live en ce moment. Bon, eux autres vont trouver ça peut-être un peu plate. Ouais, non, mais c'est non. Pas grave. Regarde, on est divertissant même quand on mange. Ouais. Oui. Cartoon! On parlait de nos influences dans notre jeunesse, on parlait de qu'est-ce qu'on écoutait, on passait de Teenage Mutant Ninja Turtle, Darkwing Duck, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, là, c'est... On va faire un comparatif. Mettons qu'on va prendre ce qu'il y avait quand on était jeune, puis ce qui est disponible maintenant. Moi, personnellement, j'écoute encore beaucoup de cartoons. Les dessins animés, là, j'en écoute encore beaucoup. J'ai écouté... le nouveau remake de Ninja Turtle fait par Nickelodeon. J'ai écouté le remake de Thundercats. Fait que finalement, j'écoute la même affaire que quand j'étais jeune, mais refaite. Mm. Ben, un remake, t'es tout le temps curieux. D'après moi, quand t'as trippé dans le temps, tu veux dire où c'est qu'ils sont rendus à Star. Ben, tu sais, il y a des affaires de même comme garde. Honnêtement, Thundercats, Cosmo Cats, pour les francophones purs et durs. Que j'ai jamais catché pourquoi qu'ils passaient des Thundercats à Cosmo Cats. Au pire, ça... Ben, c'est ça, tu sais. Tonnerre au cosmos, me semble, tu sais, c'était, c'était weird un peu. Tonnerre 4, ça sonne mal. Ben, à la limite, j'aurais catché. Parce que tout sonnait mal dans les traductions des années 80-90. Mais... C'était traduit en France, hein. Oui. Fait que, tu sais, eux autres sont spéciales. Mais le remake est bon. Honnêtement, j'ai réécouté, ça vieillit bien, ils l'ont bien adapté. T'as encore la tendance qu'il y avait quand j'étais jeune où t'écoutais un film ou un dessin animé puis il y avait une petite valeur qui te poussait à la fin. Tu sais, genre, t'avais le G.I. Joe de la semaine qui disait « Hey, fais pas de la dope! » Ou la semaine d'après qui disait « Hey, fais tes devoirs! » He-Man avec, il y avait un bout de même à la fin, genre, petite morale. Tu sais, pour te rappeler que finalement, « Hey, fuck, je devrais peut-être écouter mon père ou ma mère quand il me dit « Hey, fais tes devoirs! » Il est comme un G.I. Joe. Il te finit tout le temps, ça. C'était hâte, ça, les petits bouts de Warning, G.I. Joe. Le cartoon qu'il avait fait quand j'étais jeune. Don't do drugs! Il avait fait un mash-up. T'avais eu un film où t'avais un jeune, puis là, il faisait de la dope, puis moi, je l'ai réécouté récemment en plus, là, pour c'est me mettre avec dans le bain. Spider-Man, Mr. T, Ninja Turtles, toute la gang ouais. qui était dedans, mais hey, il fumait un joint. Ah! Ouais, mais il y avait une petite boîte avec plein d'affaires que je sais pas c'est quoi, mais non, Master aujourd'hui. Il se piquait pas, puis c'était pas des pilules, là. Il a fumé un bat. Ouais. Puis tout le long, là, il capotait ben raide. Puis là, t'avais Mr. T qui disait comme arrête de faire de la dope. Prends juste ce que tu viens de dire. Le jeune, il fume un bat, puis t'as Mr. T qui te donne la balle. Dans le fond, c'est normal, ce cartoon-là. Moi, je rush en tabarouette si ça arrive. Là, puis là, t'as quoi? T'as Spider-Man, puis Ninja Turtles. Ninja Turtles sort des. Il y avait les popples, il y avait oui. C'est sûr qu'ils rushent. Un jeu sur vidéo, oui. Ouais. Fallait que tu te prennes dans un labyrinthe, fallait que tu ramasses. C'est comme un peu le foot du roi, mais avec de la dope. Fallait que tu ramasses des seringues. Il y avait ça sur vidéo, oui. Ah, hey, ça me dit de quoi, là? Tu ramasses des seringues, des affaires de même, parce que fallait que tu nettoies les rues. Fait que c'est tout attrape la drogue. Mais c'était pas un jeu, genre, supposément éducatif. Ah, mais comme c'est ça, ouais. C'est comme le foot du roi qu'il y avait, là. Ouais, mais c'est ce qu'il y avait aussi. Il parlait des affaires comme, dit non, drogue! Puis il collait des histoires. Je pense que ça a pas duré longtemps, ça. Non, parce qu'après, Vidéoway, c'est parti avec Vidéoway, dans le fond. Ouais, ok. Bref, c'est ça. Après ça, Vidéoway, tu commençais à jouer, puis le Vidéoway faisait that's it, moi je m'en vais. Oui. Ouais. Je partais. And it's gone. C'est fini. Non, mais tu sais, ce cartoon-là, c'était comme le symbolisme un peu, parce que t'avais tout ce qui était cool dans ces années-là. Puis ils l'ont transformé à du genre, fais pas de la dope. Ouais. Tu fumes un bat, puis là, tu vas te faire attaquer par tous tes cartoons de jeunesse qui vont te dire d'arrêter de faire de la drogue. Ouais, ouais. Ben, je me souviens, quand je l'avais vu la première fois, je trouvais ça weird en tabarouette. Ben, l'ambiance était bizarre. T'sais, mais c'était... ça fait longtemps, là, j'ai vu ça, là, je pense, c'est quoi, j'avais 12 ans, 12, 13, en tout cas. Mais une autre affaire que j'ai trouvé pas pire aussi, ben, j'ai creusé sur Internet. Puis, dans le temps des Ninja Turtles, quand ils pognaient ben gros, ils avaient fait une tournée musicale aussi. Le Out of Their Shell Tour. Ah, j'ai vu des. Je me souviens de ça, puis j'ai les billets, mais j'en ai pas eu. Mais... J'ai trouvé le VHS. J'ai trouvé le VHS sur eBay. Ouais. Puis je l'ai acheté. Je me suis dit, à même titre que le spécial de Noël, La Guerre des Étoiles, qui est horrible, faut que j'aille ça. Ben oui, c'est sûr. Puis, hey, j'ai écouté des bouts sur YouTube, là, puis ils ont comme tous des gilets. Comme le méchant de l'émission pour enfants des années 90. Là, c'est comme la veste de jeans, pas de manches. Oh, ouais. Tu sais, couper les fils qui dépassent un comme peu. Comme les là. New Kids on the Block, mais Ninja Turtle un peu. Ben écoute, c'était à mode dans ces années-là, puis je pense que je n'ai croisé 5 avec ça dans les rues l'été passé, là. Dans le bout du Mile End. Je pointe pas personne. C'est une joke là, d'Hamster, tu fais là. Écoute, c'est pas une joke d'Hamster, c'est une joke de Ninja Turtle. Là. Arrête, là, je blâme pas personne. Tu commences bien mal pour ton premier épisode. Mais ça, c'était une autre affaire. T'avais tellement de variantes. Hey, c'est moi, quand on était jeune, ils ont pris le concept, puis ils l'ont milqué à 100 000 à l'heure. Ils ont fait la vache, puis ils l'ont trait. Puis hey, les Ninja Turtles, là. Non seulement je devais avoir une boîte à lunch, un t-shirt, un costume d'Halloween, les figurines, tout le kit, mais là en plus, t'as rendu un show musical, des films, telle affaire. C'était assez intense. Ben ouais, mais c'était ça, là, dans le temps, là, le monde vivait pour les Ninja Turtles. Puis à cette heure, les jeunes, ils ont quoi? Oh, Acheteur, ben moi. Ton enfant à 16 ans, c'est ça qu'ils ont, un bébé. 16 ans, t'es généreuse. Oh, ben t'écoutes pas musique plus. Non, non, mais écoute, selon une étude de marché très crédible, Dr. Phil, ouais. À 12 ans, 13 ans et 14 ans. Ouais, mais c'est comme borderline. Tu saignes, t'es enceinte. La moitié de la programmation de Musique Plus, c'est des shows d'adultes. Mais puis t'es jeune, puis t'es fertile, là, mais. Tu sais, c'est rendu. Si elle saigne, c'est qu'elle est prête. Ben, c'était ça dans le temps, en tout cas. Ben, c'est encore ça, techniquement. Mais tu sais, c'est que l'innocence, c'est comme envolée un peu. Ben, je réécoutais les cartoons d'aujourd'hui. Ben, c'est plus pareil. Puis même les cartoons sont rendus. Hey, écoute. J'ai écouté G.I. Joe Renegade, qui était comme un remake de G.I. Joe actuel. Là. Il y a des chicanes de couple. Oh ouais. S'il y a bien quoi quand t'as 7 wow. ans, tu te sacs mais... pas à peu près. Tu veux pas voir Pro se pogner avec Scarlett, pis non, non, tu m'as fait chier, tu m'as dit que mon saut en cuir était pas beau, pis non, non, regarde, il y a des affaires pas normales dans la vie. Là. Pis je pense qu'on... On essaie de prendre les jeunes, puis on leur enlève tout ce qu'ils font que c'est des jeunes. Puis on il essaie de rentrer de l'histoire derrière ah, ça. La morale comme, tout le temps. Ça, ben genre. Oui. Parce que G.I. Joe, dans le temps, c'était des petites émissions, puis tu jouais avec tes bonhommes, puis tu faisais ton affaire. Non, non, mais écoute. Ben, moi... Star, ils te mettent. Tu sais, ça, je sais pas, là, c'est comme écouter Heroes ou Lost, là, tu sais. On parle de G.I. Joe live, là, là. C'était quoi le but de Cobra d'un G.I. Joe original? Terroriste. Terroriste. Okay, terroriste, mais pourquoi il était terroriste? C'était quoi le but? Parce qu'il est malheureux, puis il voulait que tout le monde soit malheureux avec lui. Non, en fait, moi, j'avais aucune idée. Personne ne le savait. Ben, puis on était tout à l'aise avec pour, ça. C'est juste dominer le monde. Pour ouais. Cobra, là. Il voulait gagner pour Cobra. Autres, Cobra, ça s'arrêtait là. À Start, écoute G.I. Joe, là. Puis là, ils vont te faire un split sur 4 épisodes pour justifier pourquoi le commandant Cobra décide de. Ah, tu fais un flashback quand il est jeune, t'es obligé de... par non, son père ou quoi. T'es obligé de justifier pourquoi le gars il est méchant. Puis là, les jeunes, là, c'est comme elle. Là, non, peur, ça fait du backstory. Ils te mettent ben à ouais. Star, c'est beaucoup, beaucoup de backstory. Parce que si tu veux que tes saisons durent, faut que t'ailles de quoi en arrière, qu'il y ait un fanbase, du monde qui veulent. Non, non, mais à 7 ans, savoir, tu veux quoi? Tu veux plus de guns qui tirent puis d'action? À 7 ans, oui. Ou tu veux savoir pourquoi le commandant Cobra décide de créer une machine à dominer le temps pour pouvoir vaincre le pays de telle place avec un ouragan? Puis on s'en sacrait du backstory quand on était jeune. Non, ça, c'est sûr. Puis mais c'est peut-être que je trouve que les jeunes qui ont évolué. Ben, les jeunes ont évolué, c'est on sûr. On était retard. Peut-être qu'on était retard. Peut-être, je sais pas, non. Ouais. Peut-être que je suis encore retard. Tu sais, t'as mieux le vieux, tu veux pas d'histoire. Ben, non, mais c'est bon, mais la seule chose que j'ai dit vieux, c'est que c'est pas HD. Ok, ouais. Plus ça qui m'énerve. C'est comme Transformers, dans le temps, il y a bien moins d'histoire qu'à Star. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est. Je sais pas. Là. À c'est... part pour les Headmasters, là, dans saison si... 3 ou 4. Là. Ouais. Ben, les Beast Wars. Pis... Les Beast Wars, hey, ça, j'ai trippé ça. Tu sais, la gang qui a fait Reboot, justement, quand ils ont fait les Beast Wars, que ça s'appelait Beasties au début. Ouais. Puis là, quand c'était plus juste exclusif à YTV, c'est devenu les Beast Wars. Puis après ça, c'était Beast Machines. Mais tu vois, ça, j'ai commencé à trouver ça weird quand que, tu sais, Optimus se transformait en gorille. Mais là, maintenant, c'était rendu un moitié gorille, moitié surf volant. Oh boy. Avec des marteaux. Puis là, maintenant, c'était plus un gorille, c'était rendu une machine totalement... Puis après ça, ils sont redevenus des machines vivantes quand c'était rendu les Beast Machines la dernière saison. Puis c'était fucké, ça. Oh, mais les Transformers, quand tu checkes ça en profondeur, toute la série, c'est weird un peu. Là, moi, j'aimais bien le concept de Megatron quand j'étais jeune, que je tripais bien raide là-dessus. Puis à un moment donné, tu pognes 18 ans, puis tu fais. C'est bizarre, t'as peur, là. Il se transforme en gun. En gun grosseur humain. Humain ouais. Mais il fait un robot gros comme un building. Ouais, ben c'est de la nanotechnologie. Ben c'est ça, mais moi j'ai pas catché non, ça. Non, ben c'est ça, pareil. Puis quand t'es jeune, tu t'en sacs. Moi je le savais. C'est un gun, puis t'arrêtes là, puis tu fais c'est pas cool. Question, c'est moi, moi quand j'avais 5 ans, je dis oh, check man, la nanotechnologie. T'avais ça, toi? Non, je disais ça à ma mère. J'expliquais à ma mère c'était quoi. C'était pour ça quoi? Non, je savais c'était quoi, j'étais au courant. C'est la nanotechnologie. Watch it. Learn. Ben écoute. Elle écoutait Les Feux de l'amour. J'ai dit non, check. C'était pas Santa Barbara? Non, on écoutait plein. Santa Barbara! Elles écoutaient en anglais. C'était quoi? Days of Our Lives. Ça, mon père, il appelle ça des téléromans bidons. Bidons. C'était dans le temps, les madames au foyer, ceux qui écoutaient. Ben oui, ça, les feux de l'amour. Tu sais, le genre d'émission que ça finit toujours avec un close-up de la face de quelqu'un qui a de l'air semi-apeuré ou constipé. Là. Mais moi, je pouvais écouter justement mes. La face! Moi, j'écoutais mes cartoons honte, ça. Genre, ma mère, elle avait son émission à telle heure. Moi, ben, je pouvais écouter la bande à Picsou. Moi, j'avais mangé. Plein d'affaires. Ovid, là. Hey, Ovid, c'était bon. Ouais. C'était bon, puis en même temps, j'avais l'impression que c'était éducatif, fait que j'avais peur. J'avais pas le goût d'aimer ça. J'ai non, peur d'éducatif. Il y avait Touf Touf et Poluard aussi. Non, mais c'est moins le fun à écouter quand mais tu penses que t'apprends. Mais le Thirst tient loin des bibliothèques. Tu sais, comme le bus magique, tu sais, tu l'écoutes, tu trouves ça cool, puis là, tu fais comme... Il essaie de m'apprendre des affaires en même temps. Touf Touf et Poluard. C'était pas un cartoon, mais son bus magique qui parle, là... Tu sais, il y avait un autobus volant puis il trouvait des salamandres, là. Oui, oui, oui. Oui. C'était quoi, là? C'était écœurant. C'était l'autobus volant. C'était je pense que ça s'appelait-tu l'autobus volant? Faut qu'on trouve ça. Il y avait une tune, c'est quoi la tune, déjà? Il était tout heureux puis il y avait un autobus rouge puis une grosse ballonne qui gonflait, un genre de zeppelin. Tu sais, l'affaire que les Allemands auraient été construits parce que ça explosait, là. Puis eux autres, ils voyageaient le monde avec ça pour trouver des salamandres dorées. Si quelqu'un me retrouve le nom de cette émission-là, Ben, il gagne un t-shirt. Je pense à l'autobus volant. Il gagne un t-shirt. On n'en a pas, mais on va en faire faire puis on va y faire gagner. Mais tantôt, vous avez parlé de YTV. Écoutez-vous le YTV Oddities. Ben oui, oui, c'était quoi dans le nom? Oui, Ed. Puis il y avait de Max. Mais de Ed, c'était sûr, c'était tous les freaks. Le gars avec la grosse tête, qui avait un extraterrestre qui vivait dans sa tête. Ça, c'est vrai. Il y avait le Black qui avait un aquarium dans la bouche. Ben, il y avait. Tout le monde avait de quoi de bizarre, mais c'était. Oui, il y avait aussi le soir à YTV, là, le Scarlett, je l'ai chez nous en PSP, puis j'ai oublié c'est quoi le nom, j'ai un blanc, mais. Tu sais, ils ont fait un film là-dessus, là, c'est. Il y avait une série animée à la MTV, là, vraiment. C'était une fille en. Ça commence par A. Ils ont fait le film avec Charlize Theron, ouais, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Aeon Flux. Aeon Flux. Aeon Flux. Ouais, c'est vrai, c'était joué là aussi. Ça, j'écoutais ça des fois. Bon. Comme, c'était avec The Ed, là, justement, c'était dans ce temps-là. J'écoutais mais ça, un puis... bon cartoon aussi de YTV, Rocko's Modern Life. Ouais, ça, c'était bon. Ça, c'était fucké, là, puis j'aimais ça, là. C'était tellement... c'était super caricaturé de la vraie vie, puis c'était cool, là. Ça, j'ai trippé ouais, ça, là-dessus. Ça, j'aimais ça. Y en a-tu dans vous autres qui écoutez The Tick? Ouais! Ça, c'était bon! The Tick, tu sais pas, c'est comme super-héros justement, mais niaiseux. C'était comme les premières parodies, comme un Deadpool cheap. Il avait fait, c'est comment dire, là, mais... il avait fait dans le fond une vraie télésérie. Ils ont fait une série en vrai de ça, que ça n'a pas marché. C'était pas vargeux ça, mais les cartoons de The Tick, c'était. Ça là, je pense que c'était mes premières. D'initiation au sarcasme. Mais quand ça, t'es jeune, vieux, tu vois ça, ça c'est le mot que tu catches pas trop. T'écoutes ça, puis c'est comme, voyons, on se comprend pas, puis le monde, il te trouve bizarre. Moi, j'avais 14-15 ans, puis c'était genre avant d'aller travailler la fin de semaine, là, même mes petits jobs à temps partiel ou quoi. Là, j'écoutais ça le matin avec les Iron Man, puis Hulk, justement, que c'était comme à 5h jusqu'à 6h, The Marvel Hour. J'étais comme, fuck, pourquoi vous mettez pas ça à une heure normale? Il y a plein de monde qui l'écouterait. Puis... Mais elle a parlé de l'initiation aux animés. Puis moi, tu vois, une des premières affaires qui m'a fait écouter de l'animé, c'est sûr, il y avait eu les Sailor Moon. J'ai trippé pas tant que ça. Si, mais Sakura, chasseuse de cartes. Moi, tu vois, c'était une autre affaire. Puis j'écoutais ça jouait pas ça, là, mais... ça jouait à Fox. Ça jouait. Puis c'était Ronin Warriors. En japonais, c'est Samurai Troopers. Puis ça, c'était vraiment cool. Il y avait tout un élément, puis là, il callait, mettons, c'était Wildfire, puis là, il y avait son armure qui apparaissait, puis ça, ça jouait tous les soirs à 4 heures à peu près, puis je me rappelle, on allait tout en gang chez un de mes chums, puis on jouait à Mutant Chronicles, un jeu de table, puis ça ressemble un peu comme à HeroQuest, puis là, c'était Mutant Chronicles, on jouait à ça, puis on écoutait Ronin Warriors en même temps, puis c'était comme le gros trip, à tous les soirs. Okay, ouais. Les parents de mon chum, ils devaient être écœurés de noir à maison. Hey, t'as 5-6 kids qui arrivent, qui te bouffent le frigidaire en matière de collation, qui jouent des jeux de table, puis qui sacent leur camp à 4h30 pour aller souper en plus. T'sais. Je ne sais même pas comment je faisais pour manger une collation à 3h30. Les parents souper, qui aiment plus ça, avoir un œil sur ce que c'est que les enfants font. Que... Ouais. Mais ça, c'était mon introduction pas mal à l'animé. Puis après ça, justement, en vieillissant un peu, c'est là que les Cowboy Bebop ont embarqué. Puis t'as comme. Moi, c'est pas mal plus vieux, l'animé. En tout cas, quand j'étais jeune, parce que comme Mel disait, quand tu te rends compte que ceux que t'écoutais des fois quand t'étais petit, mettons, jouer le petit castor, j'aimais pas ça quand j'étais jeune, moi, le petit castor, mais plus vieux, j'ai catché, j'ai fait « Asti, c'est de l'animé japonais, dans le fond, cette affaire-là. » Puis, il y en a que j'ai vu plus... c'est plus sérieux, genre. Ouais, mais par c'est après, très jeune, puis... les émissions qu'on avait à c'est la famille, c'est très jeune. Quand j'ai vu plus tard qu'il y en avait du plus sérieux, là, que... puis en même temps, avec un côté weird, satire, plein de... Ouais. Ça, j'aimais ça, là, tu sais, comme j'aime bien Gunslinger Girl. Ça, c'était super c'est, bon, tu sais, c'est quand même intense, c'est weird un peu. Y a celle que j'ai passée à Mel, qu'elle va nous parler tantôt, puis la manette dorée. Ouais. Ouais. Ça, j'ai, je trouve ça drôle. En tout cas, j'aime ça. Puis, c'est, comme j'ai pas embarqué comme dans Dragon Balls. Plein de monde qui... j'ai embarqué Dragon Balls. J'aime Dragon Balls, mais écoutez comme les vieux classiques, là, tu sais, comme il se recharge son move pendant 4 épisodes. Ça, là, ça me tuait bien raide. Fait que, tu sais, c'est juste pour ça, des fois, je décrochais un peu. Dragon Balls, le vrai problème de Dragon Balls, là, c'est que tu peux pas écouter ça sans que ça soit en rafale. Parce qu'en rafale, là, tu sais, puis t'avais mis un meme sur Internet, justement, ton affaire, là. Ah, dans 5 minutes, la planète explose, mais ça dure 12 épisodes. Ben, c'est ça, tu sais. Dans Dragon Balls. Ça, c'est poche. Mais quand tu les écoutes en rafale, par exemple, oh, que c'est bon. Ouais. Non, je suis d'accord, là, mais quand t'étais jeune puis ça jouait à TV, à YTV ou de quoi, là, c'est comme faut que j'attende à demain là, pour le voir se recharger encore. Tu changes de poste. Puis toutes les fois j'avais essayé d'embarquer là-dedans, je pognais des bouts, là, un combat nowhere, puis c'était long, puis j'embarquais pas. Fait que, en tout cas, je m'ai fait dire, il faudrait que je pogne les versions coupées à Star. Puis... Ben, tu vois, regarde, moi ça a fait ça un peu, c'est comme quand j'ai commencé à écouter Naruto. Je l'écoute encore. Ben, je l'écoute moins. Là, je lis les mangas. C'est par habitude. Mais... moi aussi, ouais. C'est par habitude. Okay, mais moi, j'aime encore ça, honnêtement. Moi aussi, j'aime encore ça. Mais tu vois, c'était la même affaire. Ouais, des mais il n'y a pas 230 épisodes. Ouais, non, j'ai voulu les recommencer du début. Ça, puis j'ai voulu les recommencer du début. Puis ça a fait le phénomène. Moi, j'appelle ça le phénomène Dragon Ball. C'est que quand tu l'écoutes sans l'avoir vu, tu sais, ça tue le cœur d'attendre la semaine d'après pour voir qu'est-ce qui va se passer, puis tu te le quittes. Sauf que tu l'écoutes, puis c'est pas pire. Mais après ça, quand tu veux les réécouter, là, puis tu sais que ça dure 6 épisodes tel qu'on va, là, ça te casse le bécite. Ouais. C'est ça l'affaire. On dit qu'un filler. Tu là, trouves le temps pour l'écouter, puis c'est ça qui te fait. Là. Mais il y a quand même des bonnes émissions de nos jours. Regarde, justement, Thundercats, c'était bon. G.I. Joe Renegade, c'était quand même pas pire. Adventure Time, c'est vraiment. C'est du nouveau. On peut pas passer à côté, puis là. SpongeBob SquarePants aussi, là. Ça a l'air ouais, con, non, mais c'est ça, vrai. Tout le monde l'écoutait un peu dans leur vie. Non, j'ai jamais film, écouté. Moi, je non. Je pense que j'ai écouté une le fois, film puis est bon. J'avais peut-être 14 ans, puis j'ai jamais écouté. Fait du surf sur David Hasselhoff. Mais c'est parce que c'était random, justement. C'est ça, puis c'est comme, ça. Comme quand tu dis, quand tu fais du surf sur David Hasselhoff. Il y a plein de bouts weird là-dedans. C'est juste malaisant, mais c'est fun. J'apprécierais plus aujourd'hui. Probablement. C'est un espèce de dessin animé pour les kids, mais qui a des jokes des fois. Que c'est les kids bourré de jokes. Ben, t'as deux personnes qui aiment SpongeBob. Je te dirais, là. Le monde qui fume du pot, puis les enfants en bas de 8 ans. Pourquoi tu me pointes quand tu dis enfants en bas de 8 ans? Ouais, c'est ça. Tu m'as eu. Mais non, mais c'est vraiment le genre d'affaire que t'écoutes, puis ça n'a aucun sens. Non, mais à un moment donné, Patrick Star, dans un épisode, il y a des fuck me boots. Ouais. Carrément. Ouais. The fuck. Ouais. C'était un petit peu n'importe pour, quoi. Pour là. Aucune raison. Là. Ouais. Il arrive, il est comme. Ok. Ouais. Let's go. Fait que les cartoons, finalement, on en a encore, ça vaut encore la peine. C'est... Bon, un cartoon qu'on n'a pas parlé tantôt mais, de ma jeunesse, moi, que j'écoutais vraiment. Oui, il y en a un. Non, mais c'est trop vieux, on les connaît c'est pas. Les dessins, un dessin animé basic, l'animation de base, là, la Linéa. Ouais. Ah, ben oui, c'est classique. Ouais, bon, ouais. Ça, ça, c'est juste weird. Ben, des fois, par exemple, là, je trouve ça malaisant. Ben, moi, je trouve ça très. Ouais, genre, il sue. J'avais un char. C'est là. Ça, c'est intense, je trouve. T'as la dit ça dans le gazette, quoi, il est mort. Puis d'ailleurs, ils ont sorti l'intégrale en DVD. Non! Oh, ouais. T'as-tu vraiment un DVD de la Linéa? Oh, ouais. Ça, c'est beau. Ah, non, t'es ouais. Ça, là. Une c'est bonne, malade, ça n'a pas de sens. On s'est dit qu'on prenait des photos et qu'on n'arrêtait pas de parler quand on les prenait. Du beau malaise, là. On vient de faire le contraire, puis. Ou quand il pognait les nerfs après le celui qui dessinait, puis il commençait à crier après, je trouvais ça très drôle. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai compris un peu cool, plus tard ça. Que c'était en italien, en fait, qu'il parlait. Ouais. J'ai l'impression qu'il disait n'importe ouais, quoi. C'était de l'italien, finalement. Fait que t'es en train de dire que l'italien, c'est un peu n'importe mais quoi. Quand, quand t'as eu 7-8 ans, oui. Mais quand t'es italien et t'écoutes ça, c'est encore deux fois plus hot, peut-être. Là, il tu comprends. Peut-être, c'est ça. Mais peut-être c'est pas ça. Non plus, hein. Peut-être pas. Qu'est-ce qu'il dit, c'est pas drôle. Puis que peut-être, fait, ouais, tu peut-être pas, c'est encore plus que c'est triste que les Italiens ouais, pleuraient en écoutant ça. C'est ça. Mel. Oui. Ça a l'air que t'as écouté quelque chose la semaine passée, toi. Oui. T'as écouté, c'était quoi, Strike Witches, hein? Strike Witches. Ta manette dorée, c'est j'ai ça? J'ai ma manette dorée. J'ai mes notes ici. Oh, tu t'es pris des notes? Ouais, je suis rendu bonne, hein? Je prends des notes. Juste avant que tu commences, j'aimerais savoir combien d'épisodes, finalement, tu t'es tapé? 8 sur 12. OK. Ouais. Ah, c'est bon. J'ai pas eu le temps de finir le reste. C'est correct, là. Mais, tu l'as-tu ramené? Oui, j'ai déjà masqué. Bon, OK. Donc, c'est l'histoire de t'sais, juste des femmes, par aucune raison, je sais pas, qui ont des pouvoirs magiques. Puis, ça se passe en 1944, même si la technologie est ultra avancée, que c'est peut-être la technologie des années 3000, là. Mais bon, ça se passe en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis sont remplacés par des neurois. Je sais pas comment ils disent, en japonais, fait que c'est neurois, on va dire comme ça. C'est des vaisseaux spatiaux super high-tech, là, en fait, en triangle, puis ça se promène partout, puis ça shoot des lasers. Bref. Pourquoi le laser est tout le temps futuriste? Tu verrais l'avion, là. Non, c'est comme un avion. C'est vite à la Star Fox, les avions. Ouais. OK. Shape de Star Fox, là. Ils font-tu des barrel rolls? Je trouve en fond. Mais il y en a. Do a barrel roll! Non, mais ils le disent pas. fait que c'est ça. Donc, ça l'a envahi l'Europe, comme vraiment dans le temps. Ils disent pas que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais tu fais le lien, si tu connais un peu l'histoire, que bon, ça se passe. 1944, l'Europe est envahie par les neurois. Ok, c'est beau, c'est un rip. Ils sont basés sur la Deuxième Guerre mondiale, même si ça n'a aucun crise de rapport dans le timeline. Bref, bon, le personnage principal s'appelle Yoshika. C'est une petite fille de, je dirais, 12 ans par la grosseur de ses seins. C'est même que tu te fies aux animés japonais, tu regardes les seins. Puis elle a 12 ans. Moi, je façon, regarde pas ça. De façon à être. ça, bref, je starte l'émission, tout ça. Mais avant tout, avant quoi que ce soit, tu vois les filles se battre, tout ça, avant d'embarquer dans l'histoire, puis de voir Yoshika dans sa vie de tous les jours. T'as un close-up qui est très rapide. Mais je l'ai reculé, puis je l'ai posé pour être sûr. Mais tu vois un close-up de fucking panty shot, mais avec un camel toe. Oh! pis tu l'as close-up freezé tu juste fait, pour être non, sûr non mais ça a passé tu fais wow un instant là j'ai reculé j'ai posé tu fais ben tabarnak un camoto man sur son fucking panty shirt je peux pas croire j'étais voyons donc j'en ai vu des animés japonais tout ça j'ai vu des hentai pis blablabla pis tu sais si tu regardes ça c'est pas un hentai fait que tu te dis wow qu'est-ce que c'est passé là donc ça donc elle s'appelle Yoshika c'est le personnage principal tout le monde est en bobette. Tout le monde est en panty, je sais pas pourquoi. Il y en a pas un esti qui a des pantalons. Confort. Des jupes, rien. Non, il y a un haut puis ils ont des bobettes. Fait que. C'est ça? C'est le confort? Ouais, c'est d'être le confort, je sais pas. C'est sûrement. Bref, là, ça commence ça. T'as le comment ça, le major, je sais plus son nom, Tomo quelque chose, hein. Qui est là-bas, puis qui la voit au loin, puis qui veut la recruter parce qu'elle sait que ça va être une future Strike Witches, parce qu'elle a elle a des pouvoirs magiques en elle. Fait que là, en tout cas, ils sont dans un chariot, ils s'en vont à la maison, puis avec des melons d'eau en arrière. Puis là, bon, il se passe quelque chose, le chariot des routes, puis. Je comprends, fuck off! Le chariot des routes! Puis ça, tout le monde se casse, son amie, elle se retrouve à terre, elle est tout verte, elle saigne. Je suis comme, voyons donc. Puis j'ai regardé sur le DVD quel âge c'était, puis j'ai pas trouvé. Fait qu'en tout cas, j'en écoute beaucoup d'animés, là, donc j'étais comme, wow. Fait que. C'est violent. Non, mais c'est pas tant, mais c'est parce qu'il y a plein de traits de manga pour plus vieux, mais dans une ambiance de vraiment de shoujo, tu sais, vraiment jeune. Là. Fait que je suis comme, ok. Fait que là, son amie se blesse, tout ça, puis elle a guéri. Puis là, en tout cas, comment c'est ça son pouvoir, là. Son guérir pouvoir, c'est ça. Elle, son pouvoir, c'est guérison. C'est une healer, là. A guéri elle ou les autres? A guéri. Le non, elle a guéri la fille qui est. Bon, son amie vient de tomber à terre, elle est ouverte, là, elle saigne le sang, elle a guéri. Puis sa mère aussi, libre, sa grand-mère aussi. Elle est défigurée du ventre, là. Non, ouais, elle est ouverte, elle saigne, puis elle te la guérit. Elle guérit ça de même, bref. Hein. Fait que, tout ça, c'est ça. Fait que, puis eux, quand ils utilisent la magie, les Strike Witches, ils ont des oreilles et une queue qui sortent d'un animal quelconque. Ça peut être un lapin, pas un lapin, excusez, un loup ou un chien ou un chat. Bref, un petit tout peu. Tout sauf un lapin. Ouais, non, c'est ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que, bon, OK, il y a du fan service pour les furries là-dedans. OK, c'est bon. Il y a des fan service pour les panty shots. Par la suite, ça continue. Je pense que c'est deux affaires qu'on aime, ça. Ouais, collectif, ouais, les furries et les panty shots. En tout cas, bref. Surtout les furries. Ouais, les furries. Son père à elle est l'inventeur parce qu'eux ont des, ils ont des jambes spéciales qui s'y mettent. Ils rentrent comme dans des tubes, puis c'est des machines spéciales pour voler. Puis c'est son père qui l'a inventé, mais son père est mort, donc là, il est mort là-bas, là, on sait pas pourquoi il est mort, je suis pas rendu là. Fait que là, elle est triste, tout ça, s'ennuie de son père, puis bon, elle vient se faire recruter par le major, puis là, bon, elle y va, elle finit par accepter après maintes, après avoir refusé, mais bon, elle change d'idée, fait qu'elle y va. Donc c'est ça, donc là, ça se passe, elle commence à combattre les neuroïstes, tout ça. Mais ce qui m'a frappé, je veux pas non plus tout le dire pour ceux qui veulent l'écouter, donc en gros c'est ça, c'est du combat. Ça c'est juste l'épisode 1. Là. Ouais, mais pour le reste, mais là je commencerai pas à dire tous les épisodes. Là, je sais. Non, mais les autres épisodes c'est quoi? C'est-tu encore... C'est du combat. C'est du combat. Suite, l'histoire, reste, c'est y a-t-il une histoire? Oui, il y a une histoire, il y a du développement. C'est cool. Non, mais c'est cool. Mais c'est juste que moi j'ai été troublée par... aussi, tu vois des boules à l'air, ce qui est très rare dans les mangas. Mais si t'aurais pas trouvé attends, ça intéressant... Y a-tu comme un pixel? Non, il y a un mamelon à l'air, là. Les deux boules c'est bien américain. Claires. Non, c'est japonais. Mais je m'en ai dit, tu sais, tu demandes si tu trouvais ça intéressant. Si t'as écouté 8 épisodes, c'est parce que quand même... Ben, je l'ai écouté, honnêtement, parce que j'avais l'écouté, mais... Ça aurait pas été mon préféré, mais j'ai quand même apprécié. Regarde, mettons là, de 0 à Jean-François Harrison, là, tu donnes combien comme cote là? Jean-François Harrison. OK. Oh, sérieusement, moi j'étais traumatisée parce que c'est justement t'as des enfants de 12 ans dans l'émission, ouais. Comme Yoshka, puis tu y vois les boules à la verte là. Puis elle a 12 ans, je suis comme, mais on tabarnak, c'est quoi ça? Là, c'est un fanservice de Lolita, fanservice de pédo. Fait que là, tu vois des boules à l'air, tu vois des moi, j'y pense ça, tu sais. Ah non, moi, je capotais, je te voyais, non, ça commence, c'est quel âge? Même que ça, quand même, ça serait 18 ans et plus. Oui. Quand même, bien que ça serait 18 ans et plus, tu vois des boules à l'enfant de 12 ans. Parce que les filles ont entre 12 et 16 ans, puis ils sont tout le temps à poil. Ça se vend en magasin. Il y en a plein partout, les magasins. Ascrack, sont en bikini, le cul à l'air, les boules à l'air. Il y a aussi des petites tendances lesbiennes. Ouais, ça, je m'en ai dit, tu sais, les petites chicanes lesbiennes quand ça se fait bronzer. Les chicanes de lesbiennes, parce qu'il y a une qui est préférée que l'autre, puis l'autre, elle va y parler à elle, fait que elle est jalouse parce qu'elle parle à sa blonde. L'autre est refoulée, tout le temps habillée. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il y a habillée, c'est des bobettes. Non, elle est tout le temps habillée, plus. Plus, elle a un foulard, c'est quoi? Comme elle dit, plus, ça, plus corporate un peu, là, plus, veston puis okay. Militaire. Là. Ouais. Et plus, voyons, comment on dit ça? Butch. Pas gêné, là, mais. Elle est moins extravertie. Réservée. Elle est plus réservée, c'est exactement ça que je cherchais. Dit Butch. T'es poli, toi? Fait qu'en tout cas, juste dans une émission, je demande, elle fait un rêve. Elle rêve qu'elle est en train de faire de la patrouille avec sa coloc, justement. Puis. Avec leur tube volant. Ouais, avec leur tube volant. Ouais. Puis, justement, sa coloc. Je sais pas trop quoi, elle tombe dans les seins, puis elle se réveille, puis elle est comme, ah! Les joues rouges, puis elle capote parce qu'elle a vu des seins, puis elle a une envie folle d'y toucher. Fait que là, ils sont en train de marcher en corridor, puis elle est un peu en avant d'elle, puis là, ta voix attend la main pour y poigner les boules, mais là, le major en arrière, elle fait, Yushka! Puis elle se revire. Elle fait, ok, qu'est-ce que tu fais? Puis en se revirant, pouf! Elle tombe les deux mains, ses boules de son major. Puis là, elle est là, ok? Puis le major, il dit, I hope you're having fun. Mais t'es comme, wow, man, je peux pas croire. Fait que c'est gros cri de lesbienne aussi. Un autre épisode après, une fille ça, à la fin, elle tombe dans le vide parce qu'elle a épuisé toute sa magie. T'as pas de elle tube. La rattrape, puis là, elle la tient, elle la surveille, puis là, elle est devant elle. Puis elle tombe assise. Non, là, c'est tube, mais c'est tube brise. Fait que là, elle lève en s'envolant avec elle, puis en s'envolant avec elle, elle la pointe par les boules, puis elle est comme, ah, puis la triple parce qu'elle pointe des boules. J'étais comme, waouh, tabarnak, Milter, qu'est-ce que tu m'as donné, man? C'est écrit en plus sur la boîte, choix du jury. Ouais. Le jury, je pense que c'est composé de pédophiles puis de je sais pas quoi, man. Parce que sacrement, je m'excuse. Mais en plus, wow. Là, c'est fou, là, quand tu checks ça, là, à toutes les fois qu'ils volent là, dans l'émission, là, puis qu'ils attaquent des affaires, c'est comme un montage de panty shot ouais. De bonhomme. Panty shot avec des craques de fesses, des camotos, wow. Des boules à l'air de filles de 12 ans, entre 12 et 16 ans. Lesbienne, non, c'est techniquement, là, je pense trois fois plus que moi à date. Puisque... Mais j'ai pris les notes en même temps. Fait que j'ai fait trois épisodes, je pense, à date. Ouais, des rêves cochons. Ok, fait, ouais. Strike Witches, good. Mais en tout cas, okay. Pour les pervers, la tendance pédophile, Mais moi, je trouve ça drôle, l'ambiance de l'émission. Non, c'était drôle, là, mais tu vois. Mais c'est fou comment, comme tu dis. Il y a beaucoup de clichés de manga, puis animés, justement, quand ils sont gênés, des affaires comme ça. Ils sont cheesy, mais c'est vraiment plus poussé, là. Fait que, tu sais, comme à montrer des boules, à vraiment un rêve explicite de lesbienne. Ils sont toutes lesbiennes en passant entre eux autres, là. Mais c'est subtil, mais tu sens comme. T'es comme malaisante, t'es comme. Mais c'est qu'ils ont toutes l'air d'une gang de lesbiennes, tu sais. Ah non, mais écoute, c'est actuel parce que les femmes, maintenant, en 2013, c'est toutes des lesbiennes. Elles sont toutes bi, en fait. Tout le monde est bi. Ouais. Ouais. Donc, c'est assez spécial. Donc, c'est en fait, cette série-là, là, c'est du fan service. OK. De long en large. Ouais. Il y en a pour tout le monde. Okay. Du bon fan service. Ouais, furry, panty. Oui, moi, je suis juste content quand j'entends ça. Je me dis, Milter m'a pas pogné encore, puis c'est... Que je t'ai pas amené rien encore. Ouais, mais je trouve ça correct. C'est, ok, un moment donné. Moi, je me vois en train d'écouter ça, ma blonde à rentre, puis hey, qu'est-ce que t'écoutes? Non, regarde pas l'écran, il y a des femmes avec des tubes. Elle va aimer ça, elle va trouver ça drôle. Ouais, c'est drôle. Mais c'est, moi, en tout cas, quand j'ai vu les boules, la petite fille de 12 ans, je trouvais ça un petit peu malaisant. J'étais comme sacrément, je peux pas croire qu'ils vendent ça au Québec. Honnêtement, ils vendent au Québec. Oui, mais la régie, ils l'ont sûrement jamais regardé. Mais même que c'est 18 ans, ouais, sûrement ça. Mais même que ça serait 18 ans et plus, c'est pas plus moral qu'à 12 ans, à 13 ans et plus, et 18 ans et plus, tu vois des boules. Même si c'est un animé, là. Autres, à 12 ans, animé, tu vois des boules. 18 ans. Genre au pays, là. C'est wrong, là. Non, c'est wrong, parce que c'est à 12 ans, là, peu importe l'âge que t'as, que tu regardes ça, puis qu'à 12 ans. À moins que t'aies 12 ans, toi, avec, là, mais regarde. Mais même, là, qu'est-ce que tu fais écouter ça à 12 ans? 12 ans, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça, la fin. OK. OK. Fait que c'était toute une manière dorée, ça. Ouais, c'est spécial. Ouais. Maintenant, pour mon défi... Tu me la redonneras pour que je puisse la finir. Moi, je l'ai, ici. Ouais, puis cochon. Ben, là. Tu vas te faire pis des seins de 12 ans. Mais non, mais non. Non, non, faut pas dire des choses comme ça. Ah non, c'est vrai, ça, c'est... C'est pour ma... Non, c'est pour ma job. Excuse, je voudrais pas que Bacon quelque chose te fasse la vie dure. Bon, alors... Je sais pas ce qu'il vient de dropper. Ah, oh, c'est ma ceinture. Bref, André... Oh boy. C'est bon. Mon sac. Tu cherches ta manette d'or. Ah, ici, t'as des napkins. Fait que c'est-tu André? C'est ton tour. J'ai demandé si ça avait une oui parce que c'est un jeu de oui. Ben, je n'ai pas, mais je peux m'arranger pour non. Tu travailles, je suis pas mal, tu peux t'en trouver. Oui, ouais. J'ai pas de oui, mais je vais essayer d'en trouver. Moi, j'en ai une, mais le lecteur CD marche plus, fait que j'ai une oui U à cela. Ah. Ben, au pire, je me mange. Ton défi de cette semaine, de la manette dorée, je veux que tu sues, André. Sumba Fitness. Oh. J'avoue. Tu vas jouer au jeu de Wii Zumba. Il y a une petite ceinture de fournie avec pour se mettre de la Wiimote dedans. Mais la petite ceinture, quand tu dis petite ceinture... C'est avec le croc, t'es correct. Ah, je suis correct. Ils ont figuré que c'est pas juste des minces qui jouent à ça. Zumba Fitness. Ouais. Fait que t'as ta petite... Attends une minute, là. J'ai pas une gaine. Ça vient qu'une gaine? Ouais. Mais c'est pour mettre ta manette. Ma manette, c'est un ordinateur. Fait que t'es en masse de jeu. Attends, fait que tu dans le cul, mais... Fait que en masse, là. Ah, wow! Tu restes ça après tout, tu mets la manette dans la petite poche, puis tu danses. Fait que tu peux bouger sans avoir. Je peux-tu faire comme dans le clip de Benny Benassi? Satisfaction, là. Tu sais que. Tu sais, je me. Ah, ouais. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils prennent des couleurs discrètes. Ouais, mais quand tu joues à Wii d'habitude, t'es dans une place discrète. Photo, attends. Tu prends la. Non, mais attends. Mais c'est quoi? Zumba, là. Ok, mettons, là, que moi, je suis un gars, pis je suis pas une jeune femme entre 18 pis 45, mettons. Là. C'est ça qui est drôle. C'est quoi le Zumba? Faut que je danse? Zumba, c'est de l'aerobi, mais avec de la danse pis de la musique latino pis la musique de qui bouge plus. C'est-tu le karaté, là, brésilien? Non, c'est pas du karaté, c'est vraiment... C'est de la danse latine mélangée avec de l'aerobi. Du karaté brésilien. Du capoeira, oui. Capoeira, oui, capoeira. Deux, ouais, ça va être pas pire comme jeu. Ok. Découvrez la révolution du conditionnement physique grâce à des exercices interactifs qui mélangent rythmes latins et internationaux. C'est vraiment vrai. De la salsa, du merengue, du hip-hop et bien plus encore. Entraînez-vous tout en faisant la fête. Avec certains de vos profs préférés de Zumba, Gina, Tania et Beto. Yeah. Beto. Beto. Beto, mais. Ma grand-mère disait ça, tu sais, c'est comme... Hey, Beto. Viens-tu? Ah, Beto. Mais jouer avec trois amis pour disputer d'incroyables duels de danse. Ouais, c'est pas minute, faut que t'ajoutes trois affaires. Faut que tu fasses... Attends une minute. C'est-tu comme duel hip-hop, ça, là? Réaliser 30 chorégraphies Zumba, dont certaines sont propres au jeu. Ben écoute, honnêtement, là... Au moins, c'est pas desperate André, en André, la semaine, dans deux semaines, en fait. Ouais. Pour me prouver que t'as vraiment joué, je veux que t'essaies de mémoriser un petit peu une chorégraphie. Tu vas nous la faire, on va la filmer, on va mettre ça sur le geek. En fait, je vais faire mieux que ça. Je veux que tu perdes trois livres. Ça, tu vas faire sur Twitch? Je vais me filmer sur Twitch. Ah, ça va être mal. En train de jouer à Zumba Fitness. Pour le LOL. Ouais, pour le LOL ensemble. Puis là, ce qui est cool, c'est que je peux l'éditer en dehors des ondes, puis le couper de l'épisode, puis pas le mettre, puis vous le remarquerez même pas, parce que Melter les écoute pas, là. Non, mais, écoute rien, ouais. Non, je vais le faire pour vrai. Non seulement, je vais aller sur Twitch, en fait, je vais jouer à Zumba. En forme, tu sais. Mais, vierge. Hé, hey, pour le reste, je l'ai acheté justement parce que l'année passée, j'étais pleine de bonnes résolutions. Puis c'est pour ça que tu mets le re-gift, là? Non, mais je te le gift pas, je te le prête. Non, je sais. Mais j'ai sué. Fait que je pense que tu vas suer parce que toi non plus, t'es pas quelqu'un faut qui... Faut que tu t'ailles le skill fun, balance board ou... Il y a des chansons grossières. Ouais. Oh. Du Rihanna? Non, mais c'est plus la latino là, qui doit dire... Ah, suavemente, puis qui veut dire je vais te fourrer une grosse chienne. Quoi? Ouais, genre... Suavemente. Ça veut dire quoi? Genre non, je vais te fourrer une grosse chienne. Suavemente, sure que ça veut dire doucement, je pense. Ben, je vais le faire doucement. Fait que, c'est le même gros but là. Hey boy. Ah la langue, hey, ça c'est parvers en tabarouette comme tout là. Repense aux paroles dans ta tête puis tu vas voir. Aïe. Ok, ben en tout cas, je viens de moi puis ma grand-yelle, tu sais, j'étais bien dans l'ombre. Dans l'ombre d'être animateur et non sélectionné. Mais ok, fait que, dans un avenir très rapproché, je vais crever des yeux sur internet. Au début, je vais le donner à Rick, mais il n'est pas là. Ah, faites-vous-en pas, hein, j'en ai des jeux de fun, moi aussi. Donc, épisode 9 du collectif. Rick, si tu nous écoutes, j'espère que tu vas nous écouter. J'espère que tu as passé une belle soirée, que tu as gâté ta femme comme il faut, puis que tu vas nous revenir en forme. Tu nous manques. Nick, fais pas cette face-là quand je dis gâter ta femme. Ça veut tout dire. J'ai pas fait de face. Non. Mais c'était l'épisode 9. On approche du 10e. On fait quelque chose de spécial un pour le 10e. Oh, on ajoute un gâteau McCain de quoi? Ah, c'est bon, un gâteau McCain, mais il n'y a pas de pinot là-dedans? Hey. Non, au pas, on ajoute chacun. On s'ajoute chacun. J'ai encore le gâteau forêt noir de Rémi Rebelle. Du party de Noël. Hey, c'est vrai, on a un gâteau de. Pas du party de Noël, du party d'Halloween. En novembre. J'ai un forêt noir depuis novembre dans le congélateur. Il est encore bon? Une bûche d'Halloween. Ben, il est dans le congélateur, oui. Mais ok. C'est ce qui va être un peu bon, sec. On a un gâteau. Pas sûr, moi, mais il va être un peu sec. Il y a plein de peanuts. Ouais, c'est plein de peanuts. Je pense qu'on va essayer de trouver un concept intéressant pour le 10e. Faire un peu différent. Là. Puis, entre-temps, on va inviter les gens à nous communiquer leur feedback. On en a eu cette semaine. Qui? J'ai eu du feedback par courriel. T'es sérieux? Email. J'étais trop laid, là. J'ai eu un courriel. Puis. C'est quand qu'on va avoir une boîte vocale? Tu sais, le monde nous appelle au téléphone. Ah, c'est ça. Ben, écoute, mec, le monde envoie des emails. M'a peut-être pensé investir dans une boîte vocale. Ouais. Mais non, le courriel, c'était pour dire que le projet était bien intéressant. C'était Jonathan. Oh. Jonathan qui s'est pas nommé avec son nom de famille. C'est moi. Que... C'est toi, Milton, mais merci. Non, merci de l'encouragement. Mais non, merci Jonathan d'avoir pris le temps de nous écrire. C'est pas bien le apprécié. Gars de Guzzo? Non, je ne crois c'est pas. C'est quoi son nom? De quoi le gars de Guzzo? Jonathan Guzzo? Je pense pas. C'était un email personnel ben ordinaire. Okay. Là, mais en tout cas, il nous a remercié. Puis apparemment qu'il a découvert Monster Truck à cause de nous autres. Puis il a écouté Cabin in the Woods, des choses comme ça. Fait que je trouve ça cool d'avoir du feedback. Puis ça fait du bien. Donc on va vous inviter à le communiquer avec nous. Nous suivre sur Facebook et Twitter. Ouais. Facebook Geek Collectif le podcast. Sur Twitter, @geekcollectif. Mon nom à moi, c'est André Paquette. Encore une fois, je finis toujours l'émission de la même façon. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @uzumakiqc. La Grande Geek G33K. Excellent. C'est ça. Vous pouvez m'écrire, je réponds tout le temps. Parce que on m'écrit tellement pas souvent que j'ai le temps. Nick? Johnny Tabarnak. Avec un K. Avec un K. T Puis un underscore. Un underscore. Puis je commence à plus aller sur Twitter. C'est plat Twitter, je m'excuse. Ouais, mais. Depuis. En fait, la semaine passée, je me suis rendu compte que j'étais suivi par François Massicotte. François Massicotte me suit. Oh, mais parce que. À part j'ai comme 33 followers, dont François Massicotte. Waouh! Ça, c'est drôle. Ben, faux François Massicotte ou vrai? Le vrai. Celui que je m'amuse à troller de temps en temps. Mais ok. C'est pour ça qu'il te suit. Trouve intéressant. Peut-être. Mais en tout cas, salut François. Salut François. Salut. Nick? Oui, on met le turn. Hey. Excuse-moi. Moi, c'est. Un commercial, zombie Milter, en un mot. Un commercial. Arrobaus. At. Y a-t-il encore du monde qui disent arrobaus? Ben, je sais pas, mais j'essaie de franciser un peu plus l'émission, donc. Non, mais. Fait que, at zombie Milter. C'est ça. Ouais. Garde-toi. Vas-y. C'est bon. On va se revoir dans deux semaines, épisode 10. On va vous arriver quelque chose de spécial. Spécial. Un gâteau. Merci d'être des nôtres encore une fois. Puis sur ce. À bientôt. Bye. Au revoir. God.